Ils peuvent être jumeaux, cousins, sexy, palindromes ou encore demersènes, entre autres propriétés étonnantes. Ils sont utilisés en cryptographie. Tout ce qu'on nous apprend d'eux à l'école, c'est qu'ils sont divisibles par 1 et par eux-mêmes. C'est un peu plat alors qu'il y a tellement à dire. Nous sommes le jeudi 27 septembre 2012, c'est l'épisode 102 de Podcast Science, et ce soir, nous rendons justice au nombre premier. Si ce n'est pas encore fait, vous avez 17 secondes pour voter pour nous au Golden Blog Awards. Alan dans la cabine de pilotage ce soir avec toute la clique ou presque à mes côtés, enfin mes côtés façon de parler. À Paris, nous avons Robin qui s'est chargé du dossier. Salut Robin. Salut. À Paris toujours, on a Nico qui va se charger des illustrations en temps réel et qui a interdiction de toucher à son clavier. Salut Nico. Salut. Et toujours à Paris, en fait tout le monde est à Paris sauf moi, David qui va nous pitcher son dossier de la semaine prochaine et qui va s'occuper de recueillir les réactions sur Twitter et dans la chatroom. Et il s'occupe aussi du courrier des lecteurs ce soir. Bonjour. Salut David. Au sommaire de ce soir, d'abord un dossier de Robin sur les nombres premiers, le One Minute Pitch de David qui va nous parler de science soviétique, le son de la semaine et le blog audio de la semaine, c'est moi qui m'y colle. Ce soir, ce sera un billet de science étonnante sur la musique, signé David Loapre. Et puis, on fera un rapide retour sur les émissions précédentes. On fera un retour notamment sur le quiz de la semaine dernière et on lancera le quiz de cette semaine. Et puis quelques rapides annonces, comme d'habitude, à la fin de l'émission. Et là, je vous propose qu'on traîne pas trop, parce que le dossier est costaud. On va écouter tout de suite Robin nous parler des nombres premiers. Bonsoir, c'est parti donc. Un dossier costaud. Déjà, la dernière fois, certaines personnes m'ont dit quand même qu'à la fin, c'était un peu compliqué. Je vais vraiment essayer de faire simple. Je vais peut-être aussi essayer de faire court. Je ne vais pas forcément raconter tout ce que j'ai mis dans le dossier écrit. De toute façon, il y a certaines choses qui sont extrêmement visuelles, donc ça serait compliqué. Donc, l'idée, c'est de parler des nombres premiers. Alors, les nombres premiers, personnellement, effectivement, la définition que j'en ai entendue, c'est comme tout le monde, le fait que c'est des nombres qui sont divisibles par 1 et par eux-mêmes uniquement. En fait, j'ai pas eu vraiment l'impression de comprendre ce que ça voulait dire avant qu'on m'en parle sous une forme complètement différente, qui est la façon dont ils ont été repérés, si on peut dire, par alors notamment les Grecs de l'Antiquité. Je sais pas si c'est que les Grecs, je sais pas exactement, je suis pas très fort en histoire des sciences, mais dans l'Antiquité en tout cas, avec la technique des nombres figurés. L'idée des nombres figurés, c'est de faire des formes géométriques à partir de petits cailloux, quoi. Donc si on prend trois petits cailloux par exemple, on peut faire un joli triangle avec. Si on veut faire un triangle plus grand, on va rajouter trois cailloux en dessous, ça fait un triangle, il faut qu'il soit plein. On peut voilà faire des triangles plus ou moins grands, on peut faire des carrés. Alors les nombres carrés d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est assez drôle parce que les gens connaissent tous les nombres carrés. Le jour où on leur dit bah oui, ça s'appelle carré parce que on peut en faire un carré, pour beaucoup c'est une révélation. Je sais pas si c'est votre cas. La révélation du nombre carré, je t'avoue que oui. Oui. Ouais. C'est vrai, t'avais jamais pensé qu'un nombre carré, si on l'appelait comme ça, c'est parce que ça correspondait à un carré, quoi. Absolument. Mais je crois un que j'avais géométrique. Probablement jamais entendu parler de nombre carré, d'ailleurs. Ah oui. Ouais. On n'est pas dans le même monde, dans la vie de tous les jours. Tu veux dire en Suisse, vous appelez pas ça un nombre carré? 9, c'est pas le carré de 3, par exemple? Ah, si. Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est parce que c'est un carré, quoi. Oui. C'est parce que géométriquement, si tu fais un carré qui est de côté 3, eh ben, il fait 9 de surface, quoi. Yep. Donc c'est quelque chose. Et donc si on est toujours avec nos petits cailloux, si on fait un carré qui a un côté de 3 petits cailloux, il va y avoir 9 cailloux dans le carré. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des nombres carrés. Sinon, d'accord. Il n'y a rien de carré. Excellent. Donc, bah ouais, c'est ça... vraiment la révélation. Voilà, bon, pour moi ça a été aussi une révélation. Je trouve que finalement passer par ces nombres figurés, ça fait découvrir plein de choses, ça fait comprendre plein de choses qu'on connaissait plus ou moins avant. Et donc pour les nombres premiers, je trouve que c'est assez révélateur aussi. L'idée, c'est que dans les différentes formes qu'on peut donner aux nombres, donc du coup avec ces petits cailloux, on peut essayer de faire des rectangles, disons. Évidemment dans les rectangles il y a les carrés, hein. Mm-hmm. Les carrés c'est des rectangles particuliers. Donc bah, par exemple, avec 4 cailloux, on peut faire un carré de 2 sur 2 lignes sur 2 colonnes. Avec 6 cailloux, on peut faire 2 lignes de 3, par exemple. Et puis avec qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple, avec 9 cailloux, alors faut pas, c'est pas forcément deux lignes, hein, donc avec 9 cailloux ça marche aussi, on fait 3 lignes de 3, avec 15 on peut faire 3 lignes de 5, ou 5 lignes de 3 d'ailleurs. Parfois il y a plusieurs solutions, mais voilà, on peut trouver des nombres qui peuvent se ranger sous forme de rectangle, et puis il y a des nombres qui ne peuvent pas former de rectangle, par exemple 7. Si vous essayez de les mettre sur deux lignes, ça fera une ligne de 3, une ligne de 4, ça marche pas. Si vous essayez de mettre sur trois lignes, ça marchera pas non plus. Et donc, ces nombres-là, qu'on est obligé de laisser en ligne, c'est ces nombres-là qu'on a appelés les nombres premiers. Et donc, alors je sais pas, là encore, je suis pas du tout moi, calé en histoire des maths, mais pour moi, ça fait sens du coup de les appeler les nombres premiers. C'est ceux qu'on peut pas fabriquer avec autre chose. Mmh. C'est-à-dire que 6, on peut dire que c'est fabriqué à partir de 2 et 3. 7, c'est fabriqué à partir de 7. On peut pas faire un rectangle qui forme 7. Donc, voilà, personnellement, quand on m'a raconté ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus éclairant et que finalement, le fait de dire un nombre premier, c'est un nombre qu'on ne peut diviser que par 1 ou par lui-même, je préfère de loin dire qu'un nombre premier, c'est un nombre qu'on peut pas diviser. Parce que diviser par 1, c'est quand même un peu ridicule, c'est pas diviser, quoi. On est en train de réfléchir en termes d'opérations juste arithmétiques sans réfléchir au sens de ce qu'on fait. Diviser par 1, c'est pas diviser. Enfin, C'est vrai, c'est une opération un peu conceptuelle, on va dire. Voilà, ouais. Et donc je trouve que c'est une façon un peu trop conceptuelle et formaliste de dire les choses, et que finalement on comprend beaucoup mieux les choses si on dit un nombre premier, c'est un nombre qu'on peut pas partager. Évidemment qu'on peut le partager en paquet de 1, c'est pareil, c'est un peu débile ça, c'est assez logique. Donc voilà, on peut pas le partager en plusieurs parties de la même taille. Donc voilà l'origine des nombres premiers, et donc voilà aussi pourquoi ils sont si importants, puisque l'idée c'est de dire... Les nombres premiers sont les nombres qui permettent de fabriquer tous les autres nombres à partir de la multiplication. Donc vous prenez n'importe quel nombre, il est toujours possible de faire ce qu'on appelle sa factorisation en nombres premiers, donc de l'écrire sous forme d'un certain nombre, c'est compliqué le vocabulaire, un certain nombre de nombres premiers multipliés entre eux, sachant que, attention, ça peut être plusieurs fois le même. Par exemple, on parlait de 4, 4 c'est 2 fois 2, c'est 2 fois le même. Mais voilà, on prend juste les nombres premiers, on les multiplie entre eux, on en choisit certains, on les multiplie entre eux, on obtient tous les nombres entiers. Voilà. Okay. Donc, on comprend mieux, enfin je trouve en tout cas, personnellement, qu'on comprend mieux à partir de là l'importance qu'on peut donner aux nombres premiers. Ce sont les nombres qui sont à la base de tous les autres. Alors, les questions qui ont été posées très rapidement quand on a rencontré ces nombres premiers, comment ils se trouvent, comment ils sont rangés, combien il y en a, des choses comme ça. Sachant que, alors, il y a d'autres nombres. Par exemple, je parlais des nombres carrés tout à l'heure, pour lesquels les questions, enfin, une fois qu'on a posé la question, on a la réponse presque automatiquement. Un nombre carré, par exemple, je sais très très bien que le troisième nombre carré, c'est 3 fois 3. J'ai pas besoin de faire des études pendant très longtemps pour savoir que c'est 9, quoi. Alors, si je veux trouver le nombre carré d'après, c'est pas compliqué, c'est 4 fois 4, etc. Ça. Donc, c'est très très facile, il n'y a aucun problème à se poser. On les connaît très bien, on sait très bien où ils sont, on sait les trouver. On sait repérer un nombre carré, c'est-à-dire si on nous donne un nombre, on peut assez rapidement, alors calculer la racine carrée, c'est pas hyper facile, mais quand même, on sait assez rapidement voir si c'est un nombre carré ou pas. Donc, c'est des nombres faciles, quoi. On les a définis, mais après, on n'a plus grand-chose à faire avec eux. Je t'interromps une seconde, on a une question d'un topo très en forme dans la chatroom qui demande s'il existe des nombres triangles. Oui, les nombres triangulaires, j'en parle dans le dossier écrit. Là, je ne veux pas en parler parce que sans les images, je pense que personne ne va rien comprendre. Mais oui, il y a les nombres triangulaires, il y a les nombres pyramidaux, il y a les nombres cubiques, évidemment. Alors, les nombres cubiques, là aussi, les cubes, c'est un truc qu'on utilise. Ah, je vois que Nico est en train de faire du... Bon. Donc oui, il y a les nombres triangulaires, pyramidaux, cubiques, pentagonaux, hexagonaux. Enfin, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Il y a eu des études de fait là-dessus. Ok, formidable. D'ailleurs, je me rends compte en parlant que j'ai oublié de publier ton dossier. Je fais ça tout de suite. Les gens dans le chatroom qui veulent le suivre en ligne, vous connaissez l'adresse, donc c'est podcastscience.fm. Et puis là, effectivement, on voit des nombres triangulaires. Voilà. Pour les auditeurs, c'est aussi un peu de ma faute. J'ai envoyé le dossier assez tardivement. Alors, Donc, je reprends ce que je disais. Oui, donc les nombres carrés ou les nombres triangles, d'ailleurs, enfin triangulaires, appelons-les comme on veut, c'est la même chose. On sait les repérer très vite, on sait calculer très vite quel est le n-ième, le dixième, le quinzième nombre de cette forme-là. Donc, arrivent les nombres premiers, on trouve qu'ils sont importants, qu'ils sont intéressants. Évidemment, première chose qu'on cherche, est-ce qu'on peut les trouver tous? Est-ce qu'on peut trouver une logique? Est-ce qu'on peut savoir directement quel est le dixième nombre premier? Tout ça. Et il s'avère que c'est un problème nettement plus compliqué que pour les nombres carrés, que pour les nombres triangulaires. C'est à ce point compliqué que, en gros, je dévoile un peu directement la fin du dossier, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini de comprendre vraiment comment ça marchait. Bon, tu casses le suspense, là. Ouais, yes. Je casse le suspense. Ça mais rend la chose aussi... encore plus intéressante. Voilà, c'est aussi pour dire que c'est quand même des choses qui existent depuis l'Antiquité et on n'en a pas fini aujourd'hui. Ce qui est quand même assez impressionnant. Il y a peu d'objets mathématiques qui ont autant résisté, quand même. Alors, les premières choses qu'on peut faire... Alors, il y a une idée qui est géniale, qui date de l'Antiquité, hein, c'est ce qui s'appelle le crypte d'Ératosthène. Alors ça, c'est un truc absolument génial, je trouve, qui consiste à dire, enfin c'est toujours comme ça que font les mathématiciens, hein. Il y a des choses qu'ils ne savent pas faire. Là, par exemple, on ne sait pas trouver tous les nombres, enfin les nombres premiers comme ça à la demande. On ne sait pas, on n'a pas de méthode qui permet de trouver le dixième nombre premier ou le nombre premier juste après un autre. C'est compliqué. Donc, ce que se dit Ératosthène, c'est, on va faire le contraire. Il y a des trucs qui sont faciles à trouver. Par contre, c'est tous les multiples, tous les nombres qui sont pas premiers. Ça, c'est très facile de les trouver. Par exemple, je sais que tous les nombres pairs sont multiples de 2. Donc, ils ne sont pas premiers. On pourra les ranger sur 2 lignes. Mm-hmm. Donc, là, on peut les enlever. Et puis, les multiples de 3, c'est pareil, ils sont multiples de 3. Donc, si je pars de 3 et que je compte un nombre sur 3, 6, 9, 12, etc., ça, tout cela, je peux les enlever, puisqu'ils sont multiples de 3. Et puis, je peux prendre comme ça tous les nombres qui viennent, et tous les multiples des nombres que je prends sont des multiples, donc, ah, il y a déjà quelqu'un qui a déjà mal à la tête. Tous les multiples des nombres qu'on a sont par définition des multiples, donc pas premiers. Donc l'idée d'Ératosthène, c'est ça. Alors j'ai préparé des sons pour essayer de rendre ça plus radiophonique et pour essayer d'expliquer ce que c'est que ce crypte d'Ératosthène. L'idée, c'est donc, on part des petits nombres, on enlève tous les multiples d'un nombre donné. Alors, on va lancer le premier son. Voilà. Donc ça, c'est pas très intéressant, c'est un rythme régulier, ça correspond à les nombres entiers. Entre deux tacs, là... Avant qu'il y ait des mauvaises langues, c'est pas mon clavier. Hein. Non, c'est pas ton clavier, c'est un son que j'ai préparé et qui n'est pas du tout parasite, même si effectivement il est pas très esthétique. Donc ça, voilà, c'était juste pour entendre à quel rythme ça va, avec le rythme que j'ai choisi, pour entendre tous les nombres entiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va enlever le 1, on en reparlera du 1. Enfin non, je peux en reparler tout de suite. Le 1, il est pénible. Le 1, il est pénible pour tout. Je pense que Nico me contredira pas. Le 1, il est pénible pour tout, c'est toujours un cas particulier. Le 1, est-ce qu'il sert à construire les autres nombres ? Oui, 1 fois un nombre, effectivement, ça marche. D'accord. Mais c'est complètement nul, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Si on essaye ce que je disais tout à l'heure, un nombre, on peut toujours le décomposer en produit de plusieurs nombres. On peut le faire, si c'est avec les nombres premiers, d'une seule façon. Si on met 1 dedans, on peut le faire de plein de façons, parce que 6, c'est 2 fois 3, mais c'est aussi 1 fois 2 fois 3, c'est aussi 1 fois 1 fois 2 fois 3. Et le 1, il sert à rien, franchement. Donc, on décide de le mettre de côté. D'ailleurs, les Grecs de l'Antiquité considéraient carrément que c'était pas un nombre. Comme ça, au moins, c'est pas... Voilà. Alors, on démarre à 2. Je reprends mon histoire de crible. On démarre à 2. Donc, 2, il peut pas être divisé. Donc, c'est le plus petit des nombres premiers. Pour répondre à une des questions que j'avais posées pendant le teaser, oui, il y a des nombres premiers pairs. Il y en a 1. C'est 2. Ensuite, à partir de 2, qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever un nombre sur 2, donc 4, 6, etc. Donc là, on va lancer le deuxième son dans lequel on entend 2, 3 qui se suivent, et après, il ne reste plus qu'un nombre sur 2. Donc les tacs qu'on entend, ce sont les nombres impairs. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont premiers, évidemment. Hein. Ils ne sont juste pas multiples de 2. Ça va pour tout le monde, là ? Ça va, on arrive à suivre. Ouais. Mmh. Bien. Et ensuite, l'idée d'Ératosthène, c'est de continuer. Maintenant, il a 2 qui est premier. 3, il n'est pas divisible par un truc plus petit puisqu'il est encore là. Donc, ça veut dire qu'il est premier. Donc, on part de 3. et on va enlever un nombre sur 3. Alors attention, hein, pas un nombre sur 3 sur les nombres qui restent, un nombre sur 3 en tout. Donc on va enlever 6, mais sauf que 6 a déjà été enlevé à cause de 2, puis après on va enlever 9, lui, on va l'enlever, 12, qui a déjà été enlevé à cause de 2, 15, etc., etc. Donc ça, on va les enlever puisque ce sont des multiples de 3. Donc là, on peut écouter le son suivant. Qui est ce qui reste une fois qu'on a enlevé tous les multiples de 2 et tous les multiples de 3. Voilà. Ça donne quelque chose d'assez régulier encore. Sauf au début, ça fait un truc un peu plus bizarre. Et puis on continue. Donc le premier nombre qu'on rencontre maintenant, bah, c'est pas 4, puisque 4, il a déjà été enlevé. C'est 5. 5 est donc premier. Donc, à partir de 5, je vais enlever un nombre sur 5. Donc, je vais enlever 10. Alors, c'est pas la peine, il a déjà été enlevé à cause de 2. Je vais enlever 15, il a déjà été enlevé à cause de 3. Bon, je continue. En fait, le premier que je vais enlever pour de vrai, c'est 25, puisque c'est 5 fois 5. Les autres, voilà, 5 fois 2, 5 fois 3 ont déjà été enlevés. 5 fois 4 aussi. Okay. Du coup, on va avoir plein de trous. Donc, hein. On va entendre le son suivant, qui est, on a enlevé les multiples de 2, de 3 et de 5. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais on commence à sentir un truc nettement moins régulier. Quand on enlève juste les multiples de 2 et de 3, c'est assez dansant. Là, ça commence à être un peu compliqué de trouver le rythme, quoi. Et puis, on continue. Donc, le premier nombre qu'on n'a pas barré maintenant, c'est 7. Et on enlève un nombre sur 7. Et donc, on peut recommencer. Alors là, on peut entendre le résultat final. Et là, je défie un peu quiconque de trouver une quelconque logique là-dedans. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué un truc qui revient, un truc régulier, un truc... Mais a priori, on est un peu dans un monde... on a l'impression que ça a été mis un peu au hasard, tous ces tacs. On voit plus vraiment de logique. Je sais pas si c'est pertinent, si ça vous parle, si ça vous plaît, le truc comme ça. Mais donc, tous les tacs qu'on a entendus, ce sont... des nombres, les nombres premiers. En gros, je suis allé jusqu'à 100. Donc, ce sont les nombres premiers entre 2 et 100. Entre 1 et 100. Ok. Voilà. Et ça donne quelque chose, un résultat fondamental des nombres premiers. Enfin, la première observation fondamentale, c'est que même avec le crypte d'Ératosthène, on les trouve. On va finir par les trouver tous. Bon, ça va prendre du temps, hein, mais on va finir par les trouver tous. Le problème, c'est que, donc, à chaque fois, on enlève quelque chose de très régulier. J'enlève tous les multiples de 2, tous les multiples de 3, tous les multiples de 5, tous les multiples de 7. Donc, à chaque fois, quelque chose de très régulier. Et pourtant, ce que j'obtiens au fur et à mesure de ces différentes étapes est quelque chose de plus en plus irrégulier. Et ça va être tout le problème, effectivement, des nombres premiers. C'est que c'est très, très irrégulier et on n'arrive pas à comprendre une logique. Il y a des fois des nombres premiers qui sont très proches l'un de l'autre, d'autres fois, c'est très éloigné, etc. Et on n'arrive pas vraiment à trouver de logique là-dedans. Il y a quand même quelque chose qu'on remarque et qui est logique quand on a compris la logique du crypte d'Eratosthène, c'est que comme le crypte d'Eratosthène fait qu'à chaque fois on enlève des nombres en plus, plus on va vers les grands nombres, moins il y aura de nombres premiers. Mm-hmm. C'est assez logique. Oui, ça va. Oui, oui. Donc voilà, donc c'est tout le problème. Finalement, c'est simple de les trouver avec la méthode d'Eratosthène, mais ça ne nous dit pas quelle est la logique de comment ils sont rangés, et ça, pour le coup, c'est quelque chose de très compliqué. Bien. j'essaye juste de me repérer, parce que je ne veux pas forcément suivre complètement la logique de mon dossier écrit. En même temps, je me dis, c'est dommage de ne pas parler des nœuds, mais ça c'est... Parle-nous un peu des nœuds. Ouais, vite fait, hein, de toute façon, je vais pas... c'est juste que cette notion de nombre premier, enfin de quelque chose de premier qui sert à fabriquer tout le reste, n'est pas propre au nombre, n'est pas propre non plus aux maths d'ailleurs. Je donne aussi des exemples dans le dossier. C'est vrai que ça correspond plus ou moins à... Enfin, je suis pas très chimiste, hein, mais ça correspond plus ou moins à la notion des éléments, tous les atomes qu'on peut trouver, quoi. Tous les types d'atomes qu'on peut trouver, le tableau périodique des éléments, là. En gros, l'idée, c'est ça, ce sont les briques, et toutes les molécules qu'on peut imaginer sont fabriquées à partir de ces briques. Finalement, c'est exactement la même idée. Mmh. Et alors, en maths, il y a la théorie des nœuds. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut paraître surprenant, mais c'est une théorie, c'est une vraie théorie très sérieuse, et qui donc étudie les nœuds qu'on fait avec une ficelle. et on peut faire une multiplication entre plusieurs nœuds. Faire une multiplication entre plusieurs nœuds, c'est juste les mettre bout à bout. Et après, on peut les mélanger, changer un peu la forme de ces deux nœuds bout à bout. On peut les relâcher, les remélanger dans le sens qu'on veut. Ça reste vraiment le même nœud. Et on distingue donc parmi les nœuds premiers. Les nœuds premiers sont des nœuds qu'on ne peut pas décomposer en deux nœuds plus petits. C'est exactement la même idée. D'accord. Donc attends, si je récapitule, le 1 est nul, il existe des nombres triangulaires, il existe une théorie des nœuds, et il y a même des nœuds premiers, c'est ça ? C'est ça. Je vais chercher une aspirine. Non, pas déjà, non. Non, c'est pas gentil. Maintenant, on commence la partie compliquée, c'est ça ? Bah, c'est, ouais, là, pour l'instant, j'avais l'impression d'être encore tranquille, quoi, mais... Bah, non, je plaisante, vas-y, continue. Ouais, ouais. Non, c'est même mieux que ça, c'est qu'on peut attribuer à chaque nœud un nombre. Il y a des gens qui ont fait ça. On peut faire en sorte, mais bon, c'est pour les happy few, pour ceux que ça peut faire marrer, et on peut trouver, je le dis en termes mathématiques, une bijection entre les nœuds et les nombres. Et donc, il y a les nombres premiers qui correspondent aux nœuds premiers. Bon, ça, c'est privé, ok, d'accord, on en parle. Tu peux quand même dire en deux mots ce que c'est une bijection, histoire que ce soit un tout petit peu moins private. Ouais, un tout petit peu moins private. Chaque nœud va correspondre à un nombre et un seul, chaque nombre va correspondre à un nœud et un seul. Et donc, les nœuds premiers vont correspondre aux nombres premiers, les nombres premiers aux nœuds premiers. Et donc, par exemple, ce qui en général permet à un mathématicien de dire que les deux ensembles sont les mêmes, quoi. Voilà, en gros, c'est même chose. C'est de toute façon, ça, c'est les mathématiques. Hein. Un mathématicien, le principe de base, c'est tout le monde est mathématicien. Je veux dire, à partir du moment où on est capable de parler du nombre 3 et que ça nous pose pas de problème, et je pense que toutes les personnes qui écoutent ce podcast sont dans ce cas, on a déjà fait une abstraction dingue, parce que ça veut dire qu'on a réussi à comprendre le point commun qu'il y avait entre eux, 3 doigts, 3 pommes, 3 assiettes, 3 immeubles, et que c'est 3, et personne n'a jamais vu 3, ça s'est jamais croisé dans la rue, quoi. Et donc là, je vais songer à ajouter une ligne à mon CV. T'as pris un mauvais exemple, parce que 3, c'est le nom d'une ville, quoi, mais bon, à part ça... Oui, bon, d'accord, ok. T'es pénible, fais des dessins. Et donc voilà, mais c'est vrai que là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en commun entre les nœuds et les nombres, ça s'organise de la même façon. Bien, enfin on va pas passer la soirée sur les nœuds. Alors, les nombres premiers, donc reprenons les nombres premiers, on a compris qu'on peut les trouver avec le crible d'Eratosthène, même s'ils arrivent dans un ordre un peu dispersé. La logique du nombre d'Eratosthène, du crible d'Eratosthène, nous permet de voir que plus on va loin dans les nombres, moins il va y avoir de nombres premiers en proportion. Donc la question naturelle qui vient à ce moment-là, c'est est-ce que au bout d'un moment ça s'arrête à force de barrer des nombres, on va plus en avoir, ou est-ce qu'il y a une infinité de nombres premiers? À force de barrer des multiples, on pourrait s'imaginer qu'au bout d'un moment, bah on barre tous les nombres. En fait, non. Alors, ça c'est un résultat qui date aussi de l'Antiquité. Hein. Pour l'instant, on est dans de l'histoire des maths, hein. Mais bon, on s'en fiche, on est dans des propriétés sur un nombre premier, c'est intéressant. Il y a en fait une infinité de nombres premiers. La façon de le démontrer, je la trouve particulièrement élégante. C'est a priori Euclide, enfin c'est peut-être fait, il l'a peut-être repris de quelqu'un d'autre, mais c'est par Euclide qu'on la connaît. L'idée c'est de dire, bah imaginons qu'il y en a qu'un nombre fini de nombres premiers. Donc on va faire carrément les imbéciles, on va dire je prends 2, 3, 5 et puis j'en ai pas trouvé d'autres. Et j'imagine qu'avec 2, 3, 5, je suis capable de construire tous les autres nombres juste par une multiplication. Eh ben, je vais faire 2 fois 3 fois 5 plus 1. Peu importe le résultat, j'ai même pas besoin de le calculer. 2 fois 3 fois 5 plus 1. Ce nombre-là, si j'essaye de le diviser par 2, je vais pas y arriver. Si j'essaye de le diviser par 2, il va rester 1. Donc il n'est pas divisible par 2. Si j'essaye de le diviser par 3, il va rester 1. Donc il n'est pas divisible par 3. Si j'essaye de le diviser par 5, je ne vais pas y arriver, il va rester 1. Donc ce nombre-là, il est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5. Donc il ne peut pas être fabriqué à partir de 2, 3 et 5. Ça va toujours ? Ouais, non, ouais. Ça va. Donc ce nombre-là, soit il est lui-même premier, soit il est fabriqué à partir de nombres premiers autres que 2, 3 et 5. Donc, 2, 3, 5, c'est pas une liste complète. Donc, il faut en rajouter. Mais évidemment, même si je prends pas que 2, 3, 5, mais 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, que je m'arrête, que je vais, je prends tous ceux que j'ai fait entendre tout à l'heure, là, jusqu'à 100, enfin, jusqu'à 101, je peux faire exactement le même raisonnement. Je les multiplie tous entre eux, j'ai pas besoin de calculer le résultat, j'ajoute 1, ce nouveau nombre que je viens de fabriquer, il est divisible par aucun des nombres premiers que j'ai déjà, donc ça veut dire qu'il y a d'autres nombres premiers qui existent. Donc, je suis assuré qu'il y a une infinité de nombres premiers. Tout va toujours bien. Ouais. Moi, je vais admettre ça une fois pour toutes. Il y a une infinité de nombres premiers, voilà. Non, non, qu'est-ce que t'as pas compris? C'est qu'en gros, on peut poursuivre le raisonnement ad vitam aeternam, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as un nombre fini de nombres premiers, tu les prends tous, tu les multiplies entre eux, t'ajoutes 1, ce nouveau nombre que tu viens de fabriquer, soit il est premier, soit il est divisible par des nombres premiers qui ne sont pas dans la liste que tu avais avant. Donc tu viens d'en trouver de nouveaux. Donc, il ne peut pas y avoir un nombre fini. Absolument. Bon, moi, j'ai c'est bon hein. Oui. Je crois que je n'ai pas un cerveau équipé pour le concept d'infini, mais c'est pas grave. Alors, si t'es pas, alors ça, c'est normal, mais je pense que Nico, Nico en avait parlé dans son dossier sur l'infini. Je vais te le formuler autrement. Je vais te le formuler comme les Grecs de l'Antiquité le formulaient, d'ailleurs, parce qu'ils avaient aussi un problème avec la notion d'infini. On pourra toujours trouver un nombre premier de plus. Ça te plaît mieux comme ça? Ouais, d'accord. Enfin, bon, il y a une autre façon de dire, qui est de dire qu'il y en a une infinité. J'ai compris. C'est synonyme à partir de maintenant. Je vais voir comme ça, c'est plus simple. Il me semble une infinité dénombrable, si je dis pas de bêtises. Oui, on va avoir du mal à faire autrement. Mais ça, c'est encore plus private joke que moi tout à l'heure, hein, si je peux me permettre. Bon, ça suffit les maths. Nico, dessine. Dessine, on t'a dit dessine. Bien. Donc, ce qu'on sait à partir de l'Antiquité, c'est qu'il y a un nombre infini de nombres premiers et il y en a de moins en moins quand on va loin dans les nombres. Ça va ? Ouais, ça va. Et on n'arrive pas à trouver de logique particulière. On sait, et on sait aussi, donc l'essentiel, qu'avec les nombres premiers, on peut fabriquer tous les nombres entiers de façon unique. Il y a une seule façon d'écrire un nombre comme produit de nombres premiers. Voilà, donc ça c'est l'essentiel. Et à partir de là, ça a démarré à ce moment-là. Le but du jeu, c'est de mieux comprendre les nombres premiers. Ça veut dire quoi mieux comprendre ? Bah, par exemple, on aimerait avoir une formule qui nous permette de trouver tous les nombres premiers. Ou alors une formule mieux qui nous permettrait directement de trouver le 15e nombre premier. Ou une formule qui nous permette de dire l'espacement entre le 15e et le 16e nombre premier, il est de temps. Ou des choses comme ça qui nous permettent de dire, parce que à partir du moment où il y a une infinité de nombres d'une certaine sorte, on pourra jamais les connaître vraiment, on ne pourra jamais fournir une liste de tous ces nombres-là. Mais on peut avoir l'impression de les connaître, ce que je disais par rapport au carré tout à l'heure. Les nombres carrés, on les connaît. On n'a pas besoin de faire la liste entière pour comprendre comment ça marche. Donc c'est voilà, le but du jeu, c'est de les connaître aussi bien que ça, d'avoir une formule qui les donne tous, ou de savoir, par exemple, ou autre chose, quand on vous donne un nombre, être capable directement de dire s'il est premier ou pas. C'est la moindre des choses. Et ce sont des problèmes sur lesquels on se casse toujours les dents aujourd'hui. Enfin, quand je dis « on », moi, je suis pas mathématicien, hein, mais ceux qui y cherchent, ils n'y arrivent toujours pas. Alors, il y a eu quelques tentatives plus ou moins heureuses. Il y a une tentative, je vais la raconter parce que c'est quand même une jolie histoire, comme ça les gens vont pouvoir ranger l'aspirine. C'est assez facile à suivre en principe. Enfin, la formule, pas exactement. Il y a par exemple Fermat, qui était donc pas un imbécile, qui était un mathématicien très très important, qui un jour a dit « J'ai trouvé une formule, les gars, c'est génial. Si vous prenez 2 à la puissance 2, qui lui-même est à la puissance n, et que vous ajoutez 1 à ce nombre-là est premier. » Donc, je prends un exemple. 2 à la puissance 2 à la puissance 1, ça va faire 2 puissance 2, en fait. Ça fait donc 4. Plus 1, ça fait 5. C'est premier. 2 à la puissance 2 à la puissance 2, ça fait 2 à la puissance 4. Ça fait 16. Plus 1, ça fait 17, c'est premier. Donc il était content, alors il voulait pas faire trop de calculs. 2 à la puissance 2 à la puissance 1 nombre, ça va monter très très très vite, hein, je vous préviens. Donc évidemment, il a fait avec n égale 4, et puis après il s'est arrêté parce que ça faisait des calculs trop gros. Et jusqu'à 4, ça marchait, donc il a dit « Ah, c'est génial, j'ai trouvé une formule ». Alors c'est drôle, parce qu'évidemment, à partir de 5, ça a l'air de plus marcher du tout. On n'a pas encore de démonstration, mais avec 5, ça marche pas. On tombe sur un nombre qui n'est pas premier. Et avec tous les nombres pour lesquels on a réussi à faire le calcul jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc ça marche que pour les 4 premiers essais. Mais on sait pas, il y en aura peut-être d'autres derrière qui seront premiers, mais pour l'instant, ça marche plus jamais. Donc c'est assez drôle. Donc exit la théorie de Fermat. Exit la formule de Fermat, mais alors complètement exit, là, ridicule. Bon. Autre tentative, alors celle-là, beaucoup plus réussie a priori, celle de Mersenne. Mersenne, contemporain de Fermat, quelqu'un de très très important. Juste pour la petite histoire, c'est pareil, hein, histoire de pas parler que de maths, sinon les gens vont s'enfuir. Mersenne, c'est le type de personne, il y en a à toutes les époques, qui est très important, pas tellement par les résultats qu'il a trouvés tout seul, que par le fait qu'il fait circuler les idées, qu'il fait circuler les résultats, qu'il fait circuler les questions. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et alors, il était très fort, il y avait des personnes qui avaient un peu des caractères bizarres à cette époque-là. Il était très fort pour les titiller, pour leur lancer des défis, en leur disant « Mais j'ai reçu une lettre de machin, il m'a dit qu'il avait trouvé la solution. » Et donc, du coup, ça, même si c'était pas vrai, donc ça les motivait tous les uns les autres, et ça les a bien stimulés. Bref. Donc voilà pour Mersenne. Pour continuer dans les anecdotes sympathiques, tu me contrediras si je dis une bêtise, mais Fermat était aussi un personnage assez amusant, parce que c'était pas un mathématicien, c'était un juriste, si je dis pas oui, de bêtises, oui. Qui avait comme passe-temps de démontrer plus ou moins des choses, parce qu'on sait pas vraiment, pour la plupart, s'il les a vraiment démontrées, parce qu'on n'a pas les traces, et d'envoyer ça aux mathématiciens de l'époque en disant « Moi j'ai réussi, et vous ?» Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que c'était quelqu'un d'infréquentable, hein. Je pense que c'était quelqu'un à qui j'aurais volontiers mis de baffe. Mais il était assez fort en maths, quand même. Bien. Enfin, c'est un trip, hein. Alors, la formule, proposée par Mersenne, c'est de dire, je prends 2 à la puissance n moins 1. Alors, sauf que 2 à la puissance n, je prends pas n'importe quoi comme n, je prends un nombre premier. Donc 2 puissance 2 moins 1, par exemple, ça fait donc 4 moins 1, ça fait 3, ça marche. 2 puissance 3 moins 1, 2 puissance 3 moins 1, ça fait 7. Alors, il a remarqué, lui, que ça marchait pas toujours. Il a fait suffisamment de calculs, parce que assez rapidement, ça marche plus, je sais plus pour combien. Si, pour 16 moins 1, voilà, c'est ça, ça fait 15. Mais il a remarqué que ça marchait souvent. Donc, il était quand même content, parce que c'était pas si mal. Et il faut reconnaître qu'elle marche effectivement souvent. On ne sait pas expliquer vraiment pourquoi, mais elle marche souvent. Et c'est encore grâce à cette formule qu'aujourd'hui, on bat des records de nombres premiers les plus grands connus, disons. Donc, je l'ai noté dans le dossier, si ça vous amuse, je peux le dire. Ah. Le plus grand nombre premier connu aujourd'hui, je ne sais pas si je vais réussir à dire ce nombre. Ouais, tant que tu ne nous le fais pas deviner... 2 puissance 43 112 609 moins 1. Voilà, ce nombre-là est premier, ce qui est quand même palpitant. Mais c'est le plus grand nombre premier qu'on connaît aujourd'hui. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on connaît tous les nombres premiers plus petits que lui. Hein. Loin de là, très très loin de là. Et d'ailleurs, s'il y en a que ça amuse, vous pouvez mettre votre ordinateur à disposition d'un programme de calcul qui s'appelle, alors je sais plus, le programme Mersenne ou je sais pas quoi, enfin ça en anglais. L'idée est de dire, pendant que je me sers pas de mon ordinateur, on se sert de sa puissance de calcul pour tester des nombres de Mersenne et pour voir s'ils sont premiers ou pas. Parce qu'on a besoin d'une capacité de calcul énorme. Et donc, régulièrement, c'est en fait parce qu'il y a plein d'ordinateurs en réseau comme ça qu'on a assez de puissance de calcul pour pouvoir sortir ce genre de record. Voilà, s'il y en a que ça amuse, je vous en prie. Ok, on va tâcher de trouver le lien, on le mettra dans les notes de l'émission. Alors, pour dire juste où on est, ce type de recherche, c'est-à-dire les recherches de formules qui donnent des nombres premiers ou tous les nombres premiers, si on est optimiste, aujourd'hui, on a des formules. On en a depuis l'Antiquité, hein, je veux dire, la méthode, c'est pas une formule, mais la méthode d'Ératosthène, elle marche, évidemment. Elle est juste extrêmement longue, extrêmement lente. On a donc là aujourd'hui des formules, c'est pareil, qui demandent un temps de calcul tel que, en fait, c'est plus rapide de chercher à la main quel est le prochain nombre qui est susceptible d'être premier et de tester, voir s'il est premier effectivement ou pas. Enfin, ce sont des formules qui sont en fait impraticables, même pour un ordinateur. Il y a même une formule, alors ça c'est la grosse blague, qui fonctionne très très bien dans la théorie, mais elle repose sur une constante, il y a un nombre dans cette formule. Pour calculer ce nombre, on a besoin de connaître tous les nombres premiers, donc c'est très intéressant. C'est les mathématiciens s'amusent comme des petits fous, mais ils sont très contents d'avoir trouvé une formule qui marche en théorie, quoi. Bien, donc comme on s'en sort pas avec ça, il y a eu une nouvelle approche qui a été lancée au 19e siècle pour dire bon, on n'arrive pas à trouver de formule, on n'arrive pas à les trouver tous, à vraiment comprendre comment ils sont. Donc on va essayer de les regarder globalement, d'avoir une impression d'ensemble. Par exemple, on sait qu'ils deviennent de plus en plus rares, mais est-ce qu'on pourrait estimer la vitesse à laquelle ils se raréfient? Est-ce qu'on peut estimer, par exemple, à peu près la proportion de nombres premiers si on prend tous les nombres entre 1000 et 2000, entre 1 million et 2 millions, etc. Est-ce qu'on peut estimer ça? Donc juste voilà, voir à peu près à quelle vitesse ils disparaissent. Enfin, ils se raréfient parce qu'ils disparaissent pas. Et alors là, il y a eu des réponses intéressantes et de plus en plus intéressantes qui sont sorties. Alors c'est arrivé au 19e siècle. Il y a eu plusieurs approximations. Je vous donne directement la fin. Hein. En gros, l'idée c'est de dire que ça diminue, ça va à peu près à la vitesse du logarithme. Alors pour ceux qui connaissent pas le logarithme, c'est quelque chose de très très très utilisé en mathématiques et même dans le vocabulaire courant de deux mathématiciens qui parlent ensemble. On parle souvent de logarithme et d'exponentielle. Je pense que Nico pourra confirmer, mais juste quand on est entre nous. Hein. Oui, je confirme. Il y a même une excellente blague là-dessus, mais bon, on l'a déjà raconté. Ouais, non, c'est pas la peine, elle est pas terrible. Alors, donc un logarithme, en gros, c'est quelque chose qui est proportionnel à la taille des nombres. C'est-à-dire que, en gros, le logarithme, bon, on va prendre un logarithme très simple. Logarithme de 1000, c'est 3. Logarithme de 10 000, c'est 4. Logarithme de 100 000, c'est 5. C'est-à-dire c'est proportionnel au nombre de chiffres dont on a besoin pour écrire le nombre. Ouais. Mmh. Donc l'idée c'est que c'est inverse au logarithme, c'est-à-dire que autour de 1000, en gros, on a 3 fois moins de chances de trouver un nombre premier qu'autour de 1. Autour de 10 000, 4 fois moins. Autour de 100 000, 5 fois moins. OK? D'accord. En très gros, hein, c'est proportionnel à ça. C'est pas exactement ça, mais c'est proportionnel à ça. Et donc cette approximation, alors c'est avec une fonction un peu plus compliquée que ça, etc. Mais en gros, c'est vraiment ça que ça raconte. Et il se trouve que donc c'est Gauss, Carl Friedrich Gauss, un autre qui devait être bien bien agaçant d'ailleurs, celui-là, qui a proposé une approximation vraiment qui marchait très très bien. Il a fait des calculs, alors comme il pouvait lui aussi avec les moyens qu'il avait à l'époque. Hein, Gauss, c'est 10. Je suis très mauvais pour les dates, 19e, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait et il a trouvé que c'était vraiment une très très bonne approximation. Et aujourd'hui, on confirme effectivement que c'est une très très bonne approximation. Là encore, une petite histoire marrante. Avec la fonction de Gauss, il a vu qu'il était toujours un peu trop haut par rapport au vrai nombre de nombres premiers. Et que son approximation était toujours légèrement optimiste, quoi. Elle disait toujours qu'il y avait un peu trop de nombres premiers. Et il a donc dit, il a conjecturé, comme on dit en mathématiques, donc on dit qu'on suppose que c'est vrai, mais on ne sait pas le démontrer, que c'était toujours légèrement trop, mais que ça se rapprochait toujours. Et ce qui est très drôle, c'est que en fait, au XXe siècle, on a vu que non, c'était pas toujours trop cette approximation, qu'il y a un moment où ça passait en dessous, qu'à un moment ça n'était pas assez. Et alors la première fois que ça a été démontré, il y a quelqu'un qui a dit oui, ça passe en dessous, et ça passe en dessous au pire, alors je sais plus, je me souviens plus du nombre, mais c'est un truc monstrueux, c'est du genre 10 puissance 10 puissance 10 puissance 10 puissance 34, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc complètement inimaginable. Depuis, on est revenu à un nombre un peu plus raisonnable, si j'ose dire. Alors je l'ai noté, je le connais pas par cœur, je l'ai oublié. C'est le nombre dont j'avais parlé dans le teaser la semaine dernière. J'ai déjà oublié. Bon, c'est pas grave. On a oublié. Ah, aussi, si, il est là. 1,398 fois 10 puissance 316. Et alors, donc, ça veut dire que à partir de ce nombre-là, et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, apparemment, on sait que c'est à peu près à ce moment-là que ça va se faire. Alors, c'est un truc, je tenais quand même à le dire, je voulais quand même le dire, parce que c'est, les non-mathématiciens ont toujours du mal à comprendre pourquoi les mathématiciens, sont pas convaincus par 10 000 exemples, 1 million d'exemples qu'un truc est vrai. C'est-à-dire que en mathématiques, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a faire des calculs, vérifier sur quelques exemples, sur beaucoup d'exemples que quelque chose a l'air vrai. C'est important, c'est bien, c'est comme ça qu'on a l'idée de ce qu'a l'air d'être vrai. Mais ça ne remplacera jamais une démonstration que c'est effectivement vrai tout le temps. Et là, on a vraiment l'exemple génial pour comprendre pourquoi ils sont si prudents. C'est que là, on avait vraiment l'impression, enfin, je veux dire, si on fait des calculs numériques, c'est toujours plus grand, là, l'approximation de Gauss, que le nombre de nombres premiers. C'est toujours plus grand, jusqu'à un nombre qui est monstrueux. 10 puissance 316, c'est 1 suivi de 316 zéros, quand même. Et c'est que là que ça passe en dessous. Et qui est un nombre, si on veut faire aussi l'avocat du diable, non mathématique, qu'on utilisera et dont on n'aura jamais besoin. Donc on pourrait considérer que c'est vrai, en fait. Oui, si on est physicien, on peut dire qu'en première approximation, c'est largement vrai, mais voilà. Bon, ça va, on ne fait pas trop nos geeks matheux, là c'est... Vous mais êtes toujours avec nous. Pas du tout. non, on parle d'autre chose, nous. Mais faites. Ça va, tout va bien. Bien. Donc voilà. Et alors, ce qui est donc le truc, c'est que la fonction de Gauss là, c'est quelque chose évidemment comme toute fonction à peu près normale. C'est quelque chose qui fait pas de marche. Hein. C'est quelque chose qui est lisse. C'est une courbe que vous pouvez tracer comme ça à la main normale. Alors que le nombre de nombres premiers, bah à chaque fois qu'il y a un nombre premier, pouf, je monte une marche. Donc c'est pas une courbe de même nature, disons. Donc évidemment, ça ne sera jamais exactement la même chose. Et du coup, un des domaines de recherche depuis Gauss. Alors d'abord, ça a été de prouver que Gauss avait raison, que effectivement son approximation était bonne, c'est-à-dire que plus on va loin dans les nombres premiers, plus ça s'en rapproche. Plus son approximation, je reformule parce que ça n'a pas été évident pour tout le monde, plus son approximation se rapproche du nombre de nombres premiers. Ça a été démontré au XXe siècle, au fin XIXe, pardon. Et l'autre recherche, du coup, c'est d'essayer d'évaluer de combien on se trompe à chaque moment. Quel est l'écart entre cette fonction, cette approximation, et le nombre exact de nombres premiers. Bien. Ça, c'est un domaine de recherche actuel qui est très lié à ce dont je vais parler maintenant, qui est la fameuse hypothèse de Riemann. Alors, parler de l'hypothèse de Riemann, d'une manière générale, c'est aller au casse-pipe. Parler de l'hypothèse de Riemann sans les images et sans les mains, comment dire, c'est suicidaire. Mais j'essayais vraiment juste d'expliquer le plus simplement possible, je vous promets, ce que c'est, parce qu'il faut quand même en parler, parce que s'il y a un problème aujourd'hui qui préoccupe les mathématiciens, c'est l'hypothèse de Riemann. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est que les mathématiciens sont dans des disciplines qui finissent par être complètement séparées. Ils ne se comprennent plus entre une spécialité et l'autre. Ils parlent des langues étrangères. Mais a priori, vous demandez à n'importe quel mathématicien quel est le problème le plus important des mathématiques aujourd'hui, je pense qu'ils vont à peu près tous être d'accord pour dire l'hypothèse de Riemann. Ils en ont ras-le-bol. Ça fait 150 ans qu'elle est posée. Elle est centrale pour les nombres premiers qui sont quand même des choses qu'on connaît depuis l'Antiquité. Et tout le monde est convaincu qu'elle est vraie actuellement, à peu près, je crois. Mais on n'y arrive toujours pas et c'est très, très agaçant. Et en même temps, alors en plus du fait qu'elle est, que c'est énervant parce que ça fait longtemps, etc., etc., elle permettrait, si elle était démontrée, ils sont tous d'avis de dire que si elle est démontrée, on comprendra beaucoup de choses beaucoup mieux. Voilà. Donc il faut quand même que j'en parle. Alors. Allons-y, comment je vais faire ? Vas-y, fais-toi plaisir. Ah non, c'est pas me faire plaisir, je t'assure que c'est plutôt très douloureux, parce que je vais essayer de dire des choses compréhensibles alors que je sais que ça ne l'est pas. Même pour moi, je veux dire, c'est ça qui est redoutable. Alors, je vais d'abord dire ce que c'est que cette fonction. Alors, je vais le dire bêtement. Zeta, alors zeta, ouais, elle s'appelle zeta. Zeta, c'est une lettre grecque. Hein. Zeta de s, c'est égal à 1 sur 2 puissance s plus 1 sur 2 puissance s, plus 1 sur 3 puissance s, plus 1 sur 4 puissance s, plus 1 sur 5 puissance s, plus 3 petits points. Alors, ça fait beaucoup de choses incompréhensibles pour le profane, je pense. Notamment le fait qu'on fasse une somme infinie. Alors ça, une somme infinie, les mathématiciens aujourd'hui, ça ne les dérange plus du tout, mais alors du tout. C'est absolument pas un problème, il faut s'y faire. On a réussi à donner des sens à ça depuis à peu près le 18e, 19e. Ouais, ça ne pose plus de problème. On peut quand même pas s'énerver contre tout. Non, tout va bien là. Vraiment, c'est ouais, on sait ce que ça veut dire. Non, j'irai pas jusqu'à là. Mais disons que voilà, quelqu'un qui a fait des études de maths, normalement, ça lui pose pas de problème de voir une somme infinie passer. L'autre truc qui peut être bizarre, c'est de dire, c'est une fonction en fonction de s. S peut prendre n'importe quelle valeur. Donc on va dire 2 puissance quelque chose. A priori, les gens qui sont pas très habitués aux maths, 2 puissance 2, ils savent ce que ça veut dire, à la limite. 2 puissance 3, ils veulent bien. Donc 2 fois 2 fois 2, etc. Okay. 2 puissance pi, ça va commencer à leur poser des problèmes. Il faut pas. On a réussi aussi à donner un sens à ça. 2 puissance n'importe quel nombre, on sait. On sait ce que ça veut dire. Ça va toujours ? Allez, je veux dire, je vous dis... À peu près. Je ne vais pas essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Je vous dis juste, faites confiance aux mathématiciens là-dessus. Si ça vous intéresse, on pourra faire un podcast entier là-dessus. Mais voilà, on sait donner un sens à ça. Donc, c'est une fonction. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une fonction dans laquelle interviennent tous les nombres entiers. 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus 1 sur 5, on a tous les nombres entiers là-dedans. Ouais ? Ouais. Voilà. Et alors, ce qui est très... Et alors, ce qui est très surprenant, c'est que... Oui, non, c'est encore pire que ça. Oui, bon, non, je le dirai après. Ce qui est très intéressant, ce qui est fascinant, c'est de se dire, c'est ce que Euler a réussi à faire. Euler, c'est un mathématicien complètement dingue, c'est un mathématicien génial. C'est, on a tous nos chouchous dans les mathématiciens. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai du mal à avoir un chouchou, mais Euler, quand même, il est très très fort. Il a travaillé dans 15 000 domaines et il a des idées de fou. Et il se permet des trucs sans savoir si ça marche vraiment, s'il a le droit, mais il le fait quand même. Et en fait, les trois quarts du temps, ça marche. Il a eu une idée géniale, c'est que, en gros, je résume à ma manière. S'il y a tous les nombres entiers quelque part, ça veut dire qu'on peut formuler les choses en utilisant les nombres premiers uniquement. Alors, je vais le donner sur un exemple différent de la fonction, zeta. Imaginez que vous avez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, etc., etc. Tous les nombres entiers. Ben, y a moyen d'écrire ça en utilisant que des nombres premiers. Comment on va faire ? Alors là, je vous demande de vous concentrer un tout petit peu. Si vous faites... 1 plus 2, plus 2 au carré, plus 2 au cube, plus 2 puissance 4, plus etc. Vous les prenez tous. Vous mettez ça entre parenthèses. Vous multipliez par, dans une parenthèse, 1 plus 3 au carré, plus 3 au cube, plus etc., etc., etc. Vous multipliez ça par 1 plus 5 au carré, plus 5 au cube, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez... 1 plus un nombre premier, plus ce nombre premier au carré, plus ce nombre premier au cube, etc., etc. Et vous les prenez tous, ces nombres premiers. Alors, je sais pas si c'est trop violent ou pas, je me rends pas compte. Tous les nombres premiers, ça veut dire l'infinité de nombres premiers, c'est ça ? Ouais, donc on fait un produit infini de sommes infinies. C'est un peu brutal, je le reconnais. D'accord, moi je suis comme Xav dans la chatroom, là j'ai un écran bleu devant les yeux. Bon, je vais passer très vite, après je parlerai d'autre chose, parce que là, je sens que sinon je vais aider tout le monde. Mais pour ceux qui ont suivi, si on essaye de développer ça, on va avoir quoi ? Dans chaque parenthèse, on a un 1. Donc, si je multiplie tous ces 1 entre eux, je tombe sur 1. Ça va pour tout le monde quand même. 1 fois 1 fois 1 fois 1, je peux le faire autant de fois que je veux, je tombe sur 1. Ah ouais, ça tu peux continuer ça, des bon. Heures. Ouais, ça me plaît, des ça heures. Me parle. Ensuite, si dans la première parenthèse, je prends le 2, et que dans toutes les autres parenthèses, je prends le 1, j'ai quoi ? J'ai 2 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, c'est 2. Ensuite, si je prends 2 puissance 2, c'est 4. Et puis que je prends à chaque fois les 1 dans toutes les autres parenthèses, ça fait 4 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, c'est 4. Donc, j'aurais bien, dans ce résultat, dans cette multiplication infinie de sommes infinies, là, comme résultat, j'aurais bien toutes les sommes, toutes les puissances de 2. J'aurais aussi toutes les puissances de 3, toutes les puissances des nombres premiers. Mais j'aurais aussi, si je prends 2 dans la première parenthèse et 3 dans la deuxième, et qu'après je prends que des 1, je vais avoir 2 fois 3 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, donc j'aurais 6. Et ainsi de suite. En fait, je peux faire toutes les combinaisons que je veux de produits de nombres premiers et de puissances de nombres premiers entre eux. Et ça, ça veut dire, en fait, tous les nombres entiers. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce produit infini de sommes infinies, il est exactement égal à la somme de tous les nombres entiers. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Il suffit de les remettre dans l'ordre. Ça va ? C'est l'enfer ? Ouais, je crois que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon, mais alors on arrête. C'est pas grave, ouais, arrêtons. Vous le réécouterez 2-3 fois, vous le lirez dans le dossier, c'est peut-être plus facile par écrit, enfin moins dur par écrit. Ouais, une infinité de fois. Ouais. Ou alors vous m'écrivez un mail pour m'insulter, enfin bon, c'est voilà. Bien. Bon, passons. En tout cas, je reviens donc à, en essayant de donner juste l'information de base. La fonction zeta est une fonction qu'on peut écrire d'une certaine manière uniquement avec les nombres premiers, donc qui est très très lié aux nombres premiers. Et, alors ça va être encore pire, on arrive à donner un sens à cette fonction si on prend un nombre complexe. C'est infernal, je le dis de façon très simple. En très très gros, cette fonction permet de dire, je pars du plan, je prends tous les points d'un plan, et pour chaque point du plan, je vais calculer une certaine valeur. Ça va ? Le reste, ça va. Ouais, voilà. Donc, le reste, on peut oublier. Cette fonction est très liée au nombre premier, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et à chaque point du plan, elle associe une valeur. Une valeur complexe, mais ça, on s'en fout. Alors, à certains endroits de ce plan, la valeur, c'est zéro. Ça peut arriver. Et il se trouve que C'est zéro. C'est très très lié au problème dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de corriger l'erreur entre l'approximation de Gauss et le vrai nombre de nombres premiers. Il y a un lien entre les deux, que j'ai moi-même moyennement compris, mais il y a un lien. Alors, l'idée c'est donc que c'est très important de savoir à quel endroit du plan on va trouver ces fameux zéros. On appelle ça des zéros, des endroits où la valeur de la fonction c'est zéro. On appelle ça tout simplement des zéros. À quel endroit du plan on trouve ces fameux zéros? Alors, il y a des endroits où on sait qu'on va trouver des zéros, ça c'est sans surprise. C'est sur la droite horizontale, la demi-droite horizontale. Si on prend les points moins 2, moins 4, moins 6, etc. Là, on sait que c'est des zéros, mais cela ne nous intéresse pas. On sait pourquoi, tout va bien. Il y a d'autres zéros ailleurs sur le plan. Et alors, ce qu'a fait Riemann, alors oui, ça c'est Riemann hein, qui a fait ça. Ce qu'a fait Riemann, c'est qu'il a calculé quelques valeurs. Et il a dit, tiens, c'est marrant, tous les zéros que j'ai trouvés, ils sont alignés sur une même droite. Et puis bon, c'était pas son problème à ce moment-là. Donc il est pas allé plus loin, mais il a dit, bah, puisque j'en ai calculé 10, et que, enfin, je sais plus si c'était 10, hein, mais un petit nombre comme ça, et qu'ils sont tous alignés, bah, j'imagine qu'ils doivent tous être alignés. Mais j'ai pas que ça à faire, j'ai pas trouvé de démonstration, voilà. Et voilà, l'hypothèse de Riemann, c'est ça. Il a dit ça, mais genre en deux lignes, en disant que c'était pas important, que c'était pas son problème. Il a dit ça en 1859, et depuis, les mathématiciens du monde entier ne rêvent que d'une chose, c'est de trouver la solution à cette fameuse hypothèse. Voilà. Alors, pour dire à quel point c'est important, alors au début, c'était pas forcément un truc important, mais c'est devenu un truc très très important, surtout à partir du moment où David Hilbert, donc je vous avais parlé déjà la dernière fois, puis je crois que Baptiste aussi, Nico aussi, c'est bon, bref. C'est devenu très très important. Hilbert, il a fait en 1900 une conférence super importante dans laquelle il a donné les problèmes qui lui paraissaient importants, très importants à résoudre pour le XXe siècle, qui allaient guider, disons, les mathématiciens du XXe siècle. Et dans ces problèmes-là, il y avait l'hypothèse de Riemann. Alors, les gens commençaient déjà à s'intéresser à ça, mais là, ça a fait un coup de pub terrible. Et sur les 23 problèmes que Hilbert a proposé en 1900, il y en a plus que 3-4, je crois, qui n'ont pas reçu de solution. Certains dont on considère en fait que bon, le problème n'était pas très bien posé, tout ça. Et évidemment, dans cela, il y a l'hypothèse de Hilbert. Et c'est tellement important encore aujourd'hui que en 2000, il y a eu à nouveau une liste de problèmes proposés aux mathématiciens. Alors, il n'y en avait que 7 ce coup-ci. Comme étant les problèmes les plus importants du moment, les plus difficiles et en même temps les plus intéressants. Et parmi ces 7 problèmes, il y avait à nouveau l'hypothèse de Riemann. Pour vous donner encore une petite anecdote aussi, juste sur l'importance aussi que ça a, David Hilbert a dit un truc que j'ai toujours trouvé très très drôle, parce que je m'imagine la scène en fait et que je trouve ça très drôle. Il a dit, si je me réveillais dans 1000 ans, la première question que je poserais en me réveillant, c'est, est-ce qu'on a démontré l'hypothèse de Riemann? Voilà. Les mathématiciens sont des gens charmants, mais pas toujours sur la même planète que nous. Tu m'as donné le mot de la bouche. Ah non, mais je me considère pas comme mathématicien. Hein, donc voilà, enfin, tout ça pour vous montrer un peu l'importance qu'a cette question que j'ai tenté vaguement de vous expliquer. Voilà, parce que en fait, elle nous permettrait. Enfin, elle permettrait aux mathématiciens de comprendre une bonne fois pour toutes comment ces nombres premiers sont répartis. Voilà, comment ça fonctionne, quoi. Je vous ai dit qu'il y avait des avancées quand même. Alors sur la répartition des nombres premiers, sur l'hypothèse de Riemann, il y a plein d'avancées aussi. Alors là, il y a encore des gens qui vont dire vraiment ces mathématiciens sont pénibles, ils sont jamais contents. Ben non, ils sont jamais contents tant qu'ils n'ont pas de démonstration. Ils ont démontré plein de trucs. On sait plein de trucs qui poussent à croire que l'hypothèse de Riemann est effectivement juste. Il y a quelqu'un qui a démontré que tous les zéros de la fonction se trouvent pas loin de la droite. Alors pas loin dans un sens mathématique, peu importe exactement comment. Il y a Hardy qui a démontré, un mathématicien du XXe siècle, qui a démontré qu'il y avait une infinité de zéros qui se trouvaient sur cette droite. Mais une infinité, ça veut pas dire tous, loin de là. Si vous avez écouté le podcast de Nico sur l'infini, je pense que vous en êtes convaincu. Sinon, bon, imaginez, l'infini, bah, il y en a qu'un sur deux, par exemple, il pourrait très bien en avoir qu'un sur deux. L'autre argument aussi c'est que on a des ordinateurs aujourd'hui. Riemann n'en avait pas. Hilbert n'en avait pas non plus d'ailleurs. Et donc ça permet de faire des calculs. On a calculé plus de 10 000 milliards de zéros de la fonction et ils sont tous sur cette droite. Donc bon, tout le monde pense que c'est vrai, mais voilà, on n'y arrive toujours pas. Voilà. J'ai déjà pas mal parlé, il va falloir que je termine. Je vais terminer, ça tombe bien, parce que j'avais plus ou moins terminé quand même. Je voulais juste donner quelques problèmes qui sont beaucoup plus faciles à comprendre que l'hypothèse de Riemann et qui sont toujours pas résolus aujourd'hui. Je commence par le plus ancien, puisqu'il date des Grecs de l'Antiquité, qui est le problème des nombres premiers jumeaux. Alors les nombres premiers jumeaux, c'est les nombres premiers qui sont le plus proches possible, à part 2 et 3. 2 et 3, ils sont distincts que de 1, mais à partir de 3, bah, évidemment, on a enlevé tous les nombres pairs, donc au mieux, deux nombres premiers sont à une distance de 2, comme 5 et 7, comme 17 et 19, comme... Qu'est-ce que j'en ai 29 et 31, 5, 141 et 143. 141 et 143, enfin bon bref, on peut en trouver plein. Et on peut en trouver plein, et justement, la question est là, on peut en trouver combien ? Est-ce qu'on peut en trouver un nombre fini ? Où est-ce qu'on peut trouver un nombre infini ? Puisqu'on sait qu'il y en a de moins en moins des nombres premiers, que ça se raréfie. Intuitivement, on pourrait penser que, au bout d'un moment, ils sont trop espacés les uns des autres et on n'arrivera pas. Et en fait, a priori, les mathématiciens qui travaillent là-dessus pensent que si, il y a une infinité de nombres premiers. Jumeaux, pardon. Les nombres premiers, ça on sait. Personne n'est capable de le démontrer. Là encore, c'est un problème ouvert. Autre conjecture très très connue, très très très connue, il y a même un mathématicien qui s'appelle Didier Nordon qui a écrit un bouquin très drôle là-dessus, qui est la conjecture de Goldbach. Alors la conjecture de Goldbach, je raconte après. La conjecture de Goldbach, l'idée c'est de dire un nombre, si on prend un nombre pair, on peut toujours l'écrire comme somme de deux nombres premiers. Voilà, donc vous prenez par exemple 4, c'est 2 plus 2, 6, c'est 3 plus 3, pour l'instant, c'est pas palpitant. 8, par exemple, on peut l'écrire comme étant 3 plus 5, etc. Et on s'en sort toujours, pas pour 2, évidemment, hein, 2, on le laisse de côté. Et là, on est dans le même genre de situation que pour l'hypothèse de Riemann, je crois que c'est même encore pire, on a fait des essais jusqu'à je sais pas quel nombre, ça marche toujours, et même ça marche de mieux en mieux, mais personne n'est capable de démontrer cette fichue conjecture. Je parlais du livre de Didier Nordon, c'est pas du tout un livre de maths, hein. Les non-matheux peuvent y aller, c'est très drôle, c'est juste un personnage qui meurt à chaque épisode, dans d'atroces souffrances généralement, qui fait des rêves, qui fait des cauchemars et tout, et à chaque fois qu'il fait des cauchemars, qu'il fait des rêves... Il rêve qu'il a démontré la conjecture de Goldbach et paf, il se réveille, enfin, c'est ce genre de choses. Il est complètement obsédé par la conjecture de Goldbach. Voilà. Alors, un truc qui peut paraître complètement fou, moi, à la limite, ça part dans un truc mystique, ça me dérange un peu, mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est passé en 1970, qui est vraiment, non, 1972, qui est complètement fou. Montgomery, un mathématicien anglais, travaillait donc sur les fameux zéros de la fonction de zeta là, sur la droite. Et alors, il n'arrivait pas à montrer comme tout le monde que c'était aligné, donc il a essayé de trouver une autre façon d'aborder le problème. Et il a essayé de voir comment ils se répartissaient, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont proches les uns des autres, éloignés les uns des autres, comment ça se répartit les zéros sur la droite. Et donc il a fini par trouver une formule mathématique qui marchait assez bien, qui correspondait assez bien à la façon dont les zéros étaient répartis sur la droite. Et il arrive dans une salle, la cafette de l'endroit où il travaille, tout ça, et puis on lui présente un physicien qui travaille sur de la physique, donc un truc qui n'a rien à voir. Et donc ils discutent ensemble, et tiens, toi tu travailles sur quoi, tout ça, je travaille sur les nombres premiers, tout ça, il lui explique. Et donc j'ai trouvé que les zéros, là, ils se répartissaient à peu près comme cette fonction. Et là, le physicien tombe en arrêt et dit « Je la connais très très bien, cette fonction, c'est celle que j'utilise pour la modélisation. » Alors là, je vais parler de trucs que je ne comprends pas parce que c'est de la physique, mais c'est des trucs que j'utilise pour la modélisation des différents niveaux d'énergie dans les atomes. Donc un truc qui n'a a priori strictement rien à voir. Alors je m'empresse de dire que moi, je me rassure tout de suite en disant « Oui, c'est le modèle, hein, c'est pas la physique, le concret, quoi, disons. Mais quand même, c'est assez troublant de ne voir qu'il y aurait un lien entre ces deux choses-là. Donc voilà des problèmes. Donc on ne sait pas du tout pourquoi il y aurait ce lien. Ça fait partie des grandes questions qui sont posées encore aujourd'hui sur les nombres premiers. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai oublié de raconter une jolie petite histoire. Je peux encore, j'ai 2 minutes. Vas-y, 2 minutes, ouais. 2 minutes, c'est vrai, c'est gentil. J'ai oublié de raconter deux jolies petites histoires. Je vais faire très vite. Il y a une jolie petite histoire. Et quand on comprend ça, on comprend en partie ce que ça veut dire être un nombre premier. Il y a des espèces de criquets ou de sauterelles, ou de, enfin, je sais plus, d'insectes, peu importe, qui vit sous forme larvaire pendant très longtemps et qui sort juste quelques semaines. Et c'est des bestioles qui peuvent se faire bouffer par plein d'autres bestioles. Et on a observé qu'il y en a deux espèces différentes. Il y en a plein d'espèces, hein, mais il y a deux espèces qui sont particulièrement intéressantes parce qu'elles ont un cycle de reproduction, de vie, c'est-à-dire entre deux moments où elles sortent. Et ben, il y en a une, c'est 13 ans, et l'autre, c'est 17 ans, qui sont quand même des nombres premiers. Et là, on se dit, c'est quand même pas un hasard. Ben, si on réfléchit 2 secondes, c'est assez logique. Imaginez qu'elle a un prédateur, cette bestiole, qui se reproduit, qui sort tous les 2 ans. Ou tous les 3 ans. Quel est le moyen de tomber le moins souvent possible avec ces prédateurs ? Bah, d'avoir une période entre deux sorties qui est première avec ce prédateur-là. C'est-à-dire que, du coup, ça va. Si elle se reposait tous les 8 ans, par exemple, si elle sortait tous les 8 ans, bah, par rapport à quelqu'un qui sort tous les 2 ans, ça va tomber ensemble très très souvent. Mais tous les 17 ans, ça va quasiment jamais tomber ensemble. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, donc c'est tellement improbable. Donc ça sort, ça tombe la même année, une année sur je sais pas combien, il faut faire le calcul suivant le nombre de sorties du prédateur. Mais le fait de choisir, si on peut appeler ça choisir, hein, c'est pas un choix, mais le fait d'avoir une durée comme ça entre deux sorties qui est un nombre premier, ça fait que les années de sortie vont finalement tomber très rarement en même temps que une autre espèce qui aurait une durée de sortie plus petite. Voilà. Donc ça, c'est une belle histoire. Autre belle histoire, nos amis les mathématiciens sont tous des... Juste, je t'interromps, la bête en question, c'est une cicada. Voilà, ben, comme ça, tiens. Ouais, voilà. C'est beau, Internet. c'est surtout Topo, en fait, qui aime ces créatures. C'est ce genre de créatures et qui en parle avec... Ouais, moi, j'évite de regarder la chatroom pendant que je parle, en fait, parce que j'arrive vraiment pas à faire les deux ensemble. J'ai essayé une fois, c'est une catastrophe. Donc... Voilà, l'autre jolie petite histoire que je voulais raconter, enfin je voulais en raconter une troisième mais je vais m'arrêter parce que je sens que je vais être trop loin. Autre jolie petite histoire que je voulais raconter, c'est Grothendieck. Alors ça montre plusieurs choses cette petite histoire, mais je la trouve vraiment très riche d'enseignements. Grothendieck est donc un mathématicien très très très important, très très très reconnu, très très très très fort. Bon après moi je veux pas faire un classement, enfin il est très bien. Et donc un jour il discute avec quelqu'un d'un résultat qu'il vient de trouver sur les nombres premiers. De théorie sur les nombres premiers, tout ça. Et la personne en face, probablement pas un mathématicien, parce que pour poser ce genre de questions, il ne faut pas être mathématicien, dit, mais est-ce que tu pourrais me donner un exemple numérique ? Grothendieck, ça arrête 2 secondes. Quoi, un exemple numérique ? Ça veut dire quoi, un exemple numérique ? Bah oui, un exemple numérique. Enfin, tu prends un vrai nombre premier, quoi. Quoi, un nombre, un nombre, un vrai nombre. Bah oui, un nombre premier, tu prends un exemple, quoi. Alors, bon, il réfléchit. Bon, bah d'accord, bah prenons 57, alors. Si tu veux. Et là, alors là, le problème, c'est que 57, bah, tous les gens qui savent comment on sait si un nombre est divisible par 3 ou pas, peuvent faire le calcul. 5 plus 7, ça fait 12. Donc c'est un nombre divisible par 3. Mais ils s'en étaient pas rendu compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui est spécialiste de nombres premiers, il connaît pas du tout les nombres premiers, les vrais nombres premiers. Il s'en fout, quoi. C'est-à-dire que ce qui est important pour lui, c'est qu'est-ce que c'est un nombre premier ? C'est un nombre qu'on peut pas diviser. Qu'est-ce que c'est un nombre premier ? C'est un nombre qui a telle et telle propriété. Mais les vrais nombres, a priori, il les voit absolument jamais. Et alors, ça peut aussi dire, voilà, les mathématiciens sur leur planète, ils planent, etc. Mais je trouve que c'est aussi très intéressant pour dire, finalement, un nombre premier, et c'est là aussi, quand je donnais l'exemple des nœuds, on peut réfléchir avec n'importe quel objet. C'est vraiment, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue mathématique ? Quelles sont ses propriétés ? Et finalement, c'est beaucoup plus important que la valeur que ça a. Voilà. Donc je trouvais que cette histoire était assez jolie. Pas mal, ouais. C'est joli. Voilà. Vous me laissez une dernière. C'est juste une petite expérience rigolote à faire chacun chez vous. Vas-y. Ça prend 2 minutes. Bah, j'arrête. J'arrête après. Promis. Juste un truc pour savoir si un nombre est premier et tout ou pas. Alors c'est un test absolument stupide, mais qui fait comprendre que c'est un nombre premier d'une autre façon. Vous prenez, alors par exemple, vous voulez tester, je sais pas, 8. Bon, c'est débile avec une, mais c'est pas grave, 8. Vous prenez 8 points que vous répartissez de façon à peu près régulière, genre en cercle, quoi. Et vous partez du premier point, et vous reliez les points un à un en allant à chaque fois sur le point voisin. Donc vous allez faire un joli octogone. Ouais. Et puis après, vous changez de pas. Au lieu d'aller au point juste après, vous sautez un point, vous allez au point d'après, à chaque étape. D'accord ? Okay. Vous prenez un point sur deux. Par exemple, avec 8, on va revenir à son point de départ sans être passé par tous les points. On va commencer par faire un carré. Exactement. Et après, il faudra faire un deuxième carré pour finir. Mm-hmm. Ça veut dire que ce nombre n'est pas premier. Ah ouais, on a pu mettre deux carrés. Ça veut dire qu'il est fait avec 2 fois 4. Ouais. Okay. Et puis, si on fait des pas de 4, eh ben, on va avoir des trucs de 2. Donc, ça sera 4 fois 2. Et donc, un nombre premier, c'est un test absolument absurde que je vous déconseille fortement pour le faire pour de vrai, mais un nombre premier, si c'est un nombre premier, vous mettez tous les points, quel que soit le pas que vous choisissez, vous passerez toujours par tous les points avant de revenir sur votre point de départ. C'est joli. Non, bon, d'accord. Je vais m'arrêter là, je crois. C'est ravissant. Les matos sont beaucoup trop enthousiastes, je suis désolé. je vois ça. Dis-moi, j'ai encore juste une petite question pour toi. La conjecture ABC, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, qui a un rapport avec les nombres premiers. Ouais, je me suis pas renseigné dessus. J'ai D'accord. commencé à me renseigner dessus et... j'ai trouvé que c'était compliqué pour moi, donc expliquer un truc qui est compliqué pour soi, c'est compliqué. D'accord. Déjà, Riemann, c'était limite. Voilà. Ok, bon, tu nous parleras une autre fois de la conjecture ABC. ABC, ouais, si ça vous intéresse, je pourrais y revenir, mais faut déjà que je comprenne quelque chose. Ok, ça marche. David ou Nico, vous avez une question encore pour Robin ? Moi, ça va aller. Je me suis fait embarquer dans ce voyage à travers les nombres premiers. J'ai pas forcément tout le bagage pour tout suivre tout le temps, mais c'était agréable. Bon, tout le bagage. Ouais, ça, c'est parce que j'ai parlé de logarithme, j'aurais pas dû. Ouais, c'est non, ça, non, ça, il faut ça, éviter ça les gros mots. Ok, moi j'ai une question démocratique à poser à la chatroom. L'heure a tourné un peu plus vite que prévu. Est-ce que on zappe le blog audio, on le remet à la semaine prochaine ou pas? Voilà. En attendant, on va écouter le one minute pitch de David qui va nous parler de son dossier de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je vais vous présenter l'un des plus grands biologistes de tous les temps. C'est du moins ainsi que le présentait le grand Joseph Staline lui-même. Je vous parle bien sûr de l'homme qui a réussi à révolutionner la biologie russe et à lui faire faire un bond dans le temps de 30 ans. Trofim Devinovich Lysenko lui-même. Avec lui, nous explorerons la biologie michourinienne, découvrirons comment la solidarité de classe amène les végétaux à pousser en plantations denses et comment les sciences se portent mieux pratiquées à l'extérieur des laboratoires. Vous l'aurez compris, la semaine prochaine, nous allons vous montrer, à travers l'histoire assez rocambolesque du scientifique russe Trofim Devinovich Lysenko, ce que peut devenir la science quand elle est instrumentalisée au service d'une idéologie, à savoir ici, le stalinisme. Ouais, ben voilà qui est présenté avec aplomb. Excellent, franchement, on a hâte. C'est top. D'ailleurs, dans la chatroom aussi, Topo sera là la semaine prochaine. Pour nous écouter, Nabla aussi. Et puis d'ailleurs, la chatroom a parlé par rapport à ma question de tout à l'heure. On va respecter la démocratie, on va quand même passer le bloc audio. Mais avant ça, il n'y a pas de souci. Avant ça, le son de la semaine, petit quiz, il faut essayer de deviner de quoi il s'agit. Les premières hypothèses fusent dans la chatroom. Nico nous dit que c'est son clavier, encore et toujours. Xav nous dit un nombre premier ou un jet d'arrosage défectueux, à choix. J'aime bien le jet d'arrosage défectueux comme, comme hypothèse. Ah, ça me parle bien aussi. Faudrait voir si de temps en temps les jets d'arrosage peuvent coder pour des nombres. Ouais, pourquoi pas. Une allumette qui s'allume. On a une allumette qui s'allume aussi de nos skills dans la chatroom. Bon, on va peut-être... une chauve-souris, ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Ok, Robin, vas-y, dis-nous ce que c'était. Ah bah c'était effectivement les nombres premiers. Hein. C'était, alors les nombres premiers jusqu'à quelque chose comme 330, à peu de choses près. Après, je me suis arrêté. Donc c'est avec exactement la même logique que ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Voilà, on entend le rythme des nombres premiers. Donc je pense que... bah ouais, vous aviez trouvé. Je pense que... Enfin, je trouve ça sympa parce que je trouve qu'on entend à la fois que ça se raréfie, effectivement, et à la fois que c'est très, très désordonné, a priori. Quoi. Ouais, c'est assez bordélique, comme une allumette qui craque ou un insecte qu'on torture. Ou un tuyau d'arrosage. Ou un tuyau d'arrosage. Okay. Mais vous notez que le tuyau d'arrosage défectueux. Donc ça veut bien dire que ça marche pas bien et que c'est très irrégulier. Ça, ça me plaît. Bon, on sent peut-être la fatigue aussi dans les propositions de la chatroom. Ok, allez, promis, on arrête de parler de nombres premiers pour ce soir. Merci, Robin. Ah, pas de rien. C'était vraiment désolé cool. D'avoir fait trop long. C'était super. Ouais, il n'y a pas de souci. Chez nous, c'est jamais trop long. Et puis donc, à la demande générale, on va écouter l'audioblog de la semaine. Song for my fans. Blog audio d'un article de David Loipre sur son blog Science Étonnante. Quand la musique est bonne, 3 puissance 12 égale 2 puissance 19. Dans ce billet, nous allons voir en quoi l'existence de la musique occidentale repose sur le fait que 3 puissance 12 est presque égal à 2 puissance 19. Pour cela, construisons un piano. Le principe est simple. On va partir d'une première corde dont la vibration produit une certaine note, et on va chercher successivement à construire les autres cordes du piano, notre critère étant d'introduire de nouvelles cordes dont les sons vont bien avec ceux des cordes que l'on possède déjà. Et voyons où cela nous mène. Imaginons que nous disposions pour commencer d'une corde tendue. Une corde qui vibre produit un son dont la fréquence dépend de sa longueur, de sa masse et de sa tension. Plus la corde est longue et massive, plus la vibration sera grave. Plus la corde est tendue, plus le son sera aigu. Supposons que notre corde de départ vibre naturellement à une fréquence de 131 Hz. Cette vibration produit un son plutôt grave, appelons cette note Do. Pour chercher des notes qui vont bien avec notre note de départ, on va se référer à la physique des vibrations. En effet, on sait que si un objet vibre naturellement à une certaine fréquence F, il a tendance également à vibrer un peu à la fréquence double 2F, c'est-à-dire dans notre cas 2 fois 131 égale 262 Hz. La conséquence de cela est d'une part que les sons produits à ces deux fréquences vont parfaitement aller ensemble, et d'autre part que notre oreille ressent ces deux sons de manière très analogue. On va d'ailleurs leur donner le même nom, Do. On dit que le deuxième Do est une octave plus haute que le premier. Nous avons une nouvelle note qui va bien avec notre note initiale. On décide donc d'ajouter une seconde corde, plus courte, plus tendue ou plus légère, qui vibrera à 262 Hz. Mais évidemment, en répétant le raisonnement, une corde à 524 Hz ira parfaitement avec celle à 262, une corde à 1048 avec celle à 524. Pour construire notre piano, on décide donc de fabriquer toute une série de cordes à ces fréquences. 131, 262, 524, 1048, 2096, 4192, etc. Nous avons vu que physiquement, si une corde vibre à la fréquence F, elle vibrera aussi un peu à la fréquence 2F. Mais pour les mêmes raisons, elle vibrera aussi légèrement à la fréquence 3F. On peut donc regarder ce qu'on obtient comme note en fabriquant une nouvelle corde à la fréquence 3 fois 131 égale 393 Hz. À l'oreille, la note obtenue à cette fréquence produit une sensation clairement différente des précédentes, mais qui s'accorde très bien avec notre note initiale. On dit que cette nouvelle note, que l'on appellera sol, est la quinte du do. Mais bien entendu, avec cette nouvelle note, on peut aussi appliquer le premier principe et multiplier ou diviser la fréquence par deux pour construire toute une nouvelle série de cordes qui seront donc tous des sols. On décide donc d'ajouter à notre instrument une série de cordes aux fréquences suivantes. 197, 393, 786, 1572, 3144, etc. À ce stade, on a trouvé un certain nombre de notes du piano. Tous les dos et tous les sols. Le sol ayant été construit pour bien aller avec le dos. Évidemment, on peut maintenant itérer notre petit jeu et construire une troisième série qu'on appellera les ré. Correspondant à la quinte du sol. Puis une quatrième série, et ainsi de suite de proche en proche. Mais on s'arrête quand? Eh bien, figurez-vous qu'au bout d'un moment se produit un petit miracle. Alors que vous venez de construire votre 12e série de cordes, les Fa, dont les fréquences sont en gros 177, 354, 692, 708, 1416, vous appliquez à nouveau la petite règle de la multiplication par 3, et là, vous tombez sur les fréquences suivantes. 133, 265, 531, 1062, 2124, etc. Vous vous apprêtiez à construire votre 13e série de cordes et vous réalisez que les fréquences de cette 13e série sont très très proches des fréquences de la première série. Musicalement, cela signifie que lorsque l'on cherche à construire la quinte du Fa, cette dernière se trouve être quasiment le Do initial. Et c'est là que la musique occidentale prend cette décision déterminante. Considérer qu'effectivement le Do est quasi la quinte du Fa et qu'il n'y a pas besoin de rajouter une 13e série de cordes. La boucle est bouclée. C'est ce qui est symbolisé sur le diagramme que l'on appelle le cycle des quintes, que vous pouvez voir dans le billet original sur le site. Au bout de 12 applications de la règle des quintes, on retombe sur la note initiale. Si on reprend l'arithmétique de la construction précédente, on s'aperçoit que le petit miracle qui fait qu'on retombe sur ses pieds à la 12e itération provient en fait de la presque égalité arithmétique 3 puissance 12 égale 2 puissance 19. C'est grâce à cette relation qu'en suivant le cycle des quintes 12 fois, on finit par retomber sur des notes que l'on a déjà construites et qu'on peut donc arrêter d'ajouter des nouvelles notes. En fait, en pratique, plutôt que de laisser à la 12e itération le soin de combler à elle seule le léger écart, on décide de la répartir sur l'ensemble de la gamme. Cela évite qu'il y ait certains intervalles de la gamme qui sonnent plus faux que les autres. C'est ce qu'on appelait le loup dans les instruments anciens. C'est-à-dire que, sur un instrument moderne, pour construire la quinte d'une note, on ne va pas multiplier sa fréquence par 3 exactement, mais par 2 puissance 19 sur 12. Et tout ça passe inaperçu à l'oreille, car 2 puissance 19 sur 12 égale 2,9966. Il est formidable de voir que ce miracle se produit après 12 itérations. Ce qui permet tout de même d'avoir un nombre de notes suffisant pour faire de jolies choses, sans pour autant être astronomique pour garder les instruments raisonnables. Peut-on construire des musiques alternatives? Si l'on est un puriste, on peut considérer qu'après la 12e itération, la boucle n'est pas exactement bouclée et que l'on va continuer à ajouter des séries de cordes jusqu'à avoir une proximité encore plus grande. Eh bien, dans ce cas, il faut attendre la 41e ou la 53e itération. En effet, on a 2 puissance 65 sur 41 égale 3,0008 ou 2 puissance 84 sur 53 égale 2,99988. On pourrait donc s'imaginer construire des instruments et donc une musique basée sur 53 notes au lieu de 12. Bon, il faudrait des pianos à près de 380 touches. Si vous êtes matheux et que vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez bien sûr chercher d'autres approximations rationnelles de LN3 sur LN2, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Pour les trouver, le mieux est de passer par un développement en fraction continue. Pour ma part, je retourne écouter Goldman. Et voilà, j'en profite pour dire qu'on a fait de cette rubrique un podcast à part entière auquel vous pouvez vous abonner. On mettra l'adresse du podcast dans les notes de l'émission. Vous le trouvez déjà sous iTunes d'ailleurs, ça s'appelle le blog de science en audio. Parlez-en autour de vous surtout. C'est peut-être pas la peine de vous abonner à double si vous écoutez déjà Podcast Science, mais peut-être pour voilà, c'est si vous connaissez des gens qui n'ont pas forcément envie de se taper un épisode entier sur, je sais pas, au hasard, les nombres premiers. Mais, un épisode hyper pénible. Mais qui pourrait être intéressé par ces billets de blog scientifiques, mais qui n'ont pas le temps de les lire, bah, filez-leur le podcast. Pour ceux qui ne nous écouteraient pas en live, mais en différé, on vient d'avoir une grosse coupure. Alors, on va tenter de reprendre. Grosse coupure due au fait que j'utilise un ordinateur qui est une daube. Si jamais, n'achetez pas de MacBook Air, c'est mon conseil. Achetez plutôt un iPhone 5. Ouais, achetez n'importe quoi, mais pas ça. D'abord, il a paumé le réseau. Ensuite, il n'y avait plus de carte son. Enfin, voilà, il a fallu l'éteindre et le rallumer. Puis même là, la carte son faisait un peu la gueule. J'espère qu'il va tenir, je sais pas, peut-être qu'il chauffe, il est trop petit pour faire des choses comme ça. On s'en fout. Alors, on reprend le retour sur l'émission précédente. C'était pas sur les émissions précédentes, mais juste la précédente. J'avais des devoirs à faire la semaine dernière, suite à une question de Topo dans la chatroom qui demandait s'il y avait une corrélation entre le genre et les enfants hautement réactifs, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une différence entre garçons et filles parmi les populations de bébés qui avaient une tendance à l'introversion ou à l'extraversion. Ben, j'ai pas trouvé, ni dans le livre ni dans divers travaux de Kagan accessibles en ligne, et je pense que ça signifie qu'aucune corrélation significative a été constatée. Voilà, si jamais quelqu'un a autre chose, on est toujours preneur, l'absence de preuve n'étant pas la preuve de l'absence. C'est bien, n'est-ce pas? Les mathématiciens sont d'accord, c'est avec bon. Ça aussi complètement à fond. Bon, c'est bon, on a trouvé un vocabulaire commun. Sinon, le quiz de la semaine. Donc, la semaine dernière, on avait lancé un premier quiz qui était « Les poissons rouges n'ont pas de mémoire ou ont très peu de mémoire, est-ce une info ou une intox ?» On a eu plusieurs réponses. Une réponse d'Emmanuel. Qui c'est qui s'y colle, David ? Oui, alors allons-y. Alors, elle dit « Bonjour, donc quiz vrai, comme ça, de tête, il me semble que le poisson rouge n'a pas de mémoire à court terme. » Car quand un poisson rouge passe dans un tuyau et arrive dans une cage, il n'arrive pas à retrouver le chemin de sortie. Et elle complète sa réponse en parlant de l'émission de la fois d'avant, en disant pour la côte... Ça, c'est le micro de Robin. Ça y est, j'ai arraché. Voilà, parfait. Alors, c'est tout de suite très différent. Alors, on a trouvé pire que mon clavier. Hein. C'est vrai. Après cette petite démonstration d'à quoi ressemble un orage magnétique, pour la quote, lance donc Emmanuel. Je comprends ça comme ça. En psychologie, le lieu de contrôle externe ou interne, avec un lieu de contrôle externe, la personne regarde vers l'extérieur, les autres, et rêve de ce que les interactions du monde extérieur lui apportent. Un lieu de contrôle interne, au contraire, regarde à l'intérieur, en soi, et s'éveille des conséquences de ses interactions au monde extérieur. C'est du moins ce que je capte, dit-elle. Quelqu'un pourrait rappeler la quote de la semaine précédente ? C'était un truc un peu mystique comme ça. Attends, je vais essayer de la dénicher. Je me rappelle déjà plus. Ça vient, c'est promis. Ok, éventuellement, je continue pendant ce temps-là. Justement, je me demande, dit-elle, s'il n'y a pas une corrélation avec introverti, lieu de contrôle interne, extraverti, lieu de contrôle externe. Donc, introverti, extraverti, le dossier de la semaine précédente. Ou alors, je fais trop vite des amalgames et je massacre la psychologie. Ok. Je redonne la quote. La quote en anglais de Marco, c'était « Who looks inside dreams ?»« Who looks... » non, pardon. Who looks outside dreams, who looks inside awakes. Donc, qui regarde au dehors rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'était le truc qu'on a pas compris, personne ne comprenait. Donc là, ça nous fait au moins quelqu'un qui a compris la quote. C'est bien. sinon, elle continue en souhaitant la bienvenue à Robin. Et moi-même, alors elle m'appelle Xilirian, mais Xilirian, c'est une espèce de piège pour que les gens puissent pas me retrouver sur Twitter. Elle dit que ma voix est agréable à écouter, je sais pas si c'est ironique ou pas, mais voilà. T'as une voix très agréable à écouter. Et merci infiniment pour tout ce que vous faites, je vous adore, grâce à vous j'ai au moins l'impression d'être moins bête, j'ai mis un commentaire sur iTunes mais ça n'a pas été publié. PS, pour l'épisode du chat de Schrödinger, le plus écouté, peut-être le plus écouté, parce que c'est le plus dur à comprendre. Personnellement, je l'ai écouté, je pense, au moins 3 fois. Ah, il y a pire que moi, donc. Ah, mais voilà une explication convaincante. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ça veut dire que les gens écoutent en streaming aussi. Mais ouais, non, c'est possible. Ok, bon, on a enfin une explication au mystère. Alors, pourquoi c'est le dossier le plus écouté alors que c'était effectivement un des plus compliqués? C'est vrai, c'est logique quand on y pense. Ok, donc là, on était parti du quiz, en fait. C'était une longue réponse d'Emmanuel. Donc, Emmanuel pense que l'affirmation était vraie, les poissons rouges n'ont pas de mémoire. C'est pas la seule réponse qu'on a eue. On en a eu une autre, un message de Jérôme de Chine. David ? Alors, je vais continuer. Les souvenirs des poissons d'aquarium ne durent que quelques minutes, voire quelques heures, info ou intox. Donc, ça, c'était le sujet de la fois d'avant. Bonjour. Je me souviens plus exactement dans quel épisode vous y aviez fait référence, mais il me semble que c'était dans la saison 1. Vous aviez cité une expérience où le poisson rouge se retrouve dans un labyrinthe, où la première fois, il cherchait la sortie de manière plutôt hésitante, alors que placé dans le même labyrinthe plusieurs mois, il aurait retrouvé la sortie de manière très rapide. Voici 2-3 liens pour étayer la vérification, même si bien évidemment tout est vrai dans Podcast Science. Donc, alors il nous donne 3 liens que je ne vais pas vous donner ici. Qu'on mettra dans les notes de l'émission. Mm-hmm. Oui, qu'on mettra dans l'émission, un lien de Futura Science et un autre d'ABC. Si vous étiez étonné de recevoir des visites de Chine, sachez qu'il y a une communauté d'expats français en Chine de plus de 30 000 personnes, il me semble, dont je fais partie, et francophones. Bien plus grande, oui, et d'expats francophones bien plus grande. Il est donc normal qu'un podcast de la qualité du vôtre trouve des oreilles attentives aussi loin, bien cordialement, Jérôme. Et moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui écoutent Podcast Science de Chine, parce que j'ai été dans une autre vie un expat en Chine pendant 1 an et demi. Ouais. Et t'écoutais Podcast Science? Podcast Science n'existait pas encore, c'était en 2007-2008. Oh là, cette excuse. Bon, hein. Ouais, allez, excuse passable, on va dire. Mais j'écoutais déjà des podcasts. Mais donc j'aurais sans doute écouté Podcast Science s'il avait existé à cette époque. Ouais, c'est super intéressant. Moi, j'aurais plein de questions pour Jérôme. Nous, on met souvent des vidéos YouTube, par exemple, dans nos dossiers. Est-ce qu'on peut les voir depuis la Chine? Je crois pas. Hein. À mon époque, en tout cas. Alors, faut savoir que les politiques, enfin le Great Firewall, laisse passer ou ne laisse pas passer des trucs en fonction du bon vouloir de ses administrateurs, bon vouloir qui change fortement d'un mois sur l'autre. Donc, j'ai connu des époques où Facebook était bloqué, d'autres époques où Facebook ne posait pas de problème. Mais YouTube, me semble-t-il, dans mes souvenirs, marchait à peu près tout le temps, de même que Gmail. Ok. Voilà. D'accord. Et puis, on a encore une réponse au quiz. C'est Topo. Alors, c'est Topo, donc voilà. Pierre Kerner, qui est toujours sur la chatroom, je crois. Bon, je joue au quiz. Je ne joue pas au quiz, mais je peux aiguiller pour une bonne réponse. Non. Alors, je te laisse continuer. Alors, c'est un lien sur Saft, bien sûr, son excellent blog Strange Stuff and Funky Things, sur un article où on peut suivre en vidéo l'entraînement de Comet, un poisson rouge manifestement doué de mémoire, et dont le maître a décidé de l'inscrire au Guinness Book des Records comme poisson rouge le plus intelligent, capable de jouer au foot, de slalomer, de traverser des tunnels, de passer sous des obstacles. Bref, tout cela par simple renforcement positif, c'est-à-dire, en gros, le maître, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, le propriétaire du poisson, lui filait à bouffer à chaque fois que le poisson réussissait un exercice. Donc, dans les réponses qu'on a reçues, on a une info, 2 intox. Je vois qu'on a encore des réponses qui arrivent maintenant dans la chatroom. C'est Xav qui nous dit que les poissons rouges apparemment ont une mémoire des lieux dans le bocal où ils reçoivent des décharges électriques. C'est sympa comme expérience. donc ça nous fait une info et trois intox. Ben, je pense que c'est la majorité qui l'emporte. La réponse que j'avais préparée, c'est la suivante. Cullum Brown de l'université d'Édimbourg a étudié le poisson arc-en-ciel d'Australie, le Crimson Spotted Rainbow Fish ou Melatonia duboulet. Il a comparé des poissons installés depuis longtemps dans leur aquarium, qui en connaissaient tous les recoins, à des poissons fraîchement installés. Il a ensuite introduit dans l'aquarium un large filet comportant un trou central, et il a déplacé le filet, qui occupait toute la largeur de l'aquarium, donc d'une extrémité à l'autre. Panique chez les poissons, évidemment, voyant arriver cet énorme filet envahissant, tel un poisson, un plafond qui s'abaisserait jusqu'au sol dans un Indiana Jones. Panique chez tous les poissons? Eh ben non. Ceux qui connaissaient l'aquarium ont trouvé le trou du filet très rapidement et ont pu s'échapper. Les autres, pas. On suppose que les premiers connaissaient si bien leur environnement qu'ils pouvaient l'ignorer et se concentrer sur la vraie menace, le filet. Mieux, d'ailleurs, on a retenté l'expérience 11 mois plus tard et les poissons ont trouvé le trou immédiatement. Donc manifestement, ils s'en souvenaient. Et il faut savoir que 11 mois dans la vie d'un poisson rouge, c'est long. C'est environ un tiers de son espérance de vie, l'équivalent de 25, 30, 35 ans chez nous. Si c'est pas de la mémoire, ça. Donc ma source, c'est Great Myth Conceptions du Dr Carl, le monsieur science de la radio australienne. Bon, bah c'est sympa comme expérience, c'est quiz. En tout cas, moi, j'aurais appris que nos auditeurs ont plus de mémoire que moi, que les poissons rouges ont plus de mémoire que moi, parce que j'avais complètement oublié que j'avais déjà parlé de ce truc dans une émission précédente. Mais ça fait plaisir d'avoir autant de réponses qui viennent d'aussi loin. Une requête pour la prochaine fois, faites-nous des réponses en audio. Vous avez la possibilité maintenant, vous pouvez laisser des commentaires audio sur le site. Ça marche pas depuis les iShows, les iPads et autres parce que c'est en flash, mais ça fonctionne bien depuis les ordinateurs, même depuis mon stupide MacBook Air. Du coup, on pourra diffuser carrément vos réponses dans le live de la semaine suivante. Alors pour le quiz de cette semaine, bon, j'ai pas été très inspiré cette fois, mais qui sait, on va peut-être s'améliorer. Voilà, je la lance comme ça, les poils ou les cheveux poussent plus fort ou plus épais après avoir été rasés. Info ou intox? Vous connaissez la procédure, donc vous enregistrez la réponse sous forme de commentaire écrit ou audio sur le site, et puis bah, on en parle la semaine prochaine. On arrive à la quote de la semaine. Donc malheureusement, ce ne sera pas une quote en anglais de Marco. On peut pas tout avoir, on n'a pas Marco. Est-ce que l'un d'entre vous a préparé une quote, les amis? Non. Bien. Désolé. Bon, Nico, il dessine. Moi, j'en avais une, mais que j'ai dit pendant le podcast, alors c'est foutu. Moi, j'ai lu une quote sympathique dans un bouquin, mais bon, elle n'est pas d'actualité, quoi. D'accord. Bon, bah, il faut que ça soit d'actualité en plus. Non, mais elle va être d'actualité pour un prochain dossier. Remarque, je peux la dire maintenant parce qu'elle m'a fait rire, mais bon. Allez, vas-y. Ça fait trop de teasing. Alors, je l'ai plus en anglais sous la main. Il faudrait que je remette la main dessus. Mais ça disait, je pense que ça va amuser Robin aussi, que la chose la plus notable qu'avaient fait les Romains en mathématiques, c'était de tuer Archimède. Pour dire à quel point les Romains n'avaient pas fait grand-chose en mathématiques. A priori, les historiens sont assez d'accord pour dire que c'était des branques, ouais. Et donc, en maths, voilà. En maths, hein, je ouais. Ne parle pas de manière. Je sais plus comment c'est en anglais, mais ça disait ça, quoi. Donc ça m'a beaucoup fait rire sur qu'est-ce que les Romains ont apporté, en fait. Le plus grand apport des Romains aux mathématiques, c'est la mort d'Archimède. C'est pas mal. Et donc, pour info, la mort d'Archimède, il était en train de faire, d'essayer de démontrer un truc sur le sol avec un bout de bois en dessinant sur le sable. Là, il y a un Romain qui lui a demandé de se lever. Il a dit, attendez, faut que je finisse ma démo, et le Romain l'a transpercé, quoi. Il y a même une version de l'histoire où on avait donné comme ordre aux soldats romains qui venaient pour tuer tout le monde de ne pas tuer Archimède, donc de demander à tout le monde leur nom. Et comme il ne répondait pas parce qu'il était trop absorbé par son truc, il s'est fait tuer quand même. Le légionnaire aurait pris cher, mais bon, ça c'est de la légende. Tout ça. C'est distrait un mathématicien. Bon, bah, c'est parfait. Écoute, merci Nico pour la quote. Moi j'en avais une, mais sur les nombres premiers, je pense que c'est pas une bonne idée, il faut qu'on arrête sur les nombres premiers. Oui, la quote quand même, histoire de respecter un peu les règles de la quote, ça vient du livre Zero Biography of a Dangerous ID. Zéro biographie d'une idée dangereuse. Ok, dont on aura l'occasion de reparler tout bientôt, je crois. Sans doute, il se peut. Ok, sinon, quelques annonces avant de terminer. Donc d'abord, vous dire que Strip Science participe au 8e festival de blog BD, FestiBlog, pardon, 2012. Qui c'est qui nous dit un peu de prose kernérienne sur le sujet ? De prose kernérienne ? Ouais. Je sais pas sur de la prose kernérienne, mais donc Strip Science va y faire une fresque qui représentera plein d'animaux bizarres. Topo a balancé une liste assez exceptionnelle, j'ai même pas encore eu l'occasion d'aller consulter. Donc ils seront dessinés. Alors les quatre dessinateurs qui seront là, il va falloir que je rappelle. Alors c'est Alain Prunier, Alain Beneteau, Mel et Barbu. Voilà, donc ça c'est les officiels et potentiellement il y a des chances qu'il y ait pas mal de monde de Strip Science qui passe par-ci par-là. Il y aura au moins Topo si j'ai bien compris. Moi je vais y passer aussi et puis voilà, je crois qu'il y a 2-3 autres personnes qui passeront gribouiller des choses sur la fresque. Quoi. Ok, donc la fresque ce sera le dimanche 30 septembre de 11h voilà, à midi. C'est ça. Okay. Et c'est même le seul moment où Strip Science aura un truc officiel si je ne dis pas de bêtises. De toute façon Topo va me taper dessus si je dis des bêtises. Et le reste du temps, sans doute qu'il y aura l'occasion de croiser des gens, mais pas de manière officielle à un endroit du festival. Ouais. Et puis donc, le principe de la fresque, il est assez simple. Il s'agit de piocher la photo d'un organisme qu'un des quatre dessinateurs illustrera. Et puis, il faudra essayer de le placer à la bonne place sur l'arbre du vivant. C'est ça. Voilà. C'est tout ce qu'on a finalement comme prose kernérienne. J'étais allé du piquer. Et voilà, toutes les infos sur, bah, sur Strip Science. Ou sur Seft.com. Je sais pas si sur Seft il a fait un article, je suis pas sûr. Si, il a fait un article aujourd'hui. Peut-être le lieu encore, ça se passe à la mairie du 3e arrondissement, rue Eugène Spuller, ça se prononce comme ça, à Paris. Aucune idée comment ça se prononce. Voilà, moi, en Suisse, j'aurais prononcé Spuller, mais ça n'a pas été le cas. Ok, c'est à ceux qui n'habitent pas Paris d'ailleurs, Pierre Kerner offre une pinte de bière par chaque millier de kilomètres parcourus pour le rejoindre. Et sinon, pour situer avec une station de métro, c'est du côté de République. Ok. C'est pas très loin de chez moi, je prends beaucoup de pinte. Et ben voilà, tu pourras même dessiner, c'est parfait. Bon ben vous nous ferez un compte rendu les gars si vous y allez. Ouais. Ok, sinon, des nouveaux podcasts à signaler, si, ça arrive. Un nouveau podcast scientifique, d'abord, c'est Florence Porcel qui se lance avec La Folle Histoire de l'Univers, un podcast hebdomadaire de 10 minutes, diffusé sur YouTube. Alors, bienvenue et longue vie à ce nouveau projet. D'ailleurs, on recevra Florence Porcel le 15 novembre prochain dans Podcast Science, on vous en dit plus tout bientôt. Nico, on entend ton clavier, je suis en train de le taper. Ah, d'accord. Vous signalez encore Podbox, un podcast qui parle des podcasts, par des passionnés de podcasts. Ah, Robin. Décidément, on aura tout eu ce soir. Pardon. Ouais, donc à propos de Podbox, je vais en profiter pour prendre la main. Il y avait Monsieur Smith qui m'avait interpellé sur une question un peu philosophique sur à quoi ça sert les maths. Donc du coup j'ai deux réponses. À quoi ça sert les maths? D'abord, le côté peut-être un peu plus négatif, c'est que sans les mathématiques on n'aurait sans doute pas eu la dernière crise économique et Goldman Sachs. Et un peu plus positif, c'est que sans les mathématiques on en serait encore à Alta Vista et on n'aurait pas Google. Donc voilà, Monsieur Smith. Et sinon il y a un excellent post sur le blog Chou Romanesco, Vache qui rit et Intervalle qui rit, j'adore ce titre, où il donne 100 réponses sur à quoi servent les mathématiques. Pour certaines, il faut l'avouer, de très très mauvaise foi quand même. Oui, même la grosse majorité de très mauvaise foi, mais c'est très drôle. Par exemple, Einstein lui au moins connaissait l'utilité des maths. C'est l'argument d'autorité, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Ok, t'avais pas l'intention d'en faire un blog audio? Si, peut-être, mais bon, c'est comme les blogs audio. Si les gens veulent aller lire, ils le liront, et sinon, ils en entendront le blog audio. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, c'est pas grave. C'est parfait, on a hâte d'entendre ça. Je vais juste finir la présentation de Podbox, parce qu'on a été un peu interrompu. Donc, c'est Monsieur Smith, Geek de Geek, et l'Arnouf de Podcast France qui propose ça. Puis d'ailleurs, si tout va bien, on y est invité la semaine prochaine. Donc ce sera une excellente occasion de connaître les coulisses de Podcast Science par l'intermédiaire de ce nouveau podcast qui s'appelle donc Podbox. Et puis pour rappel, puisqu'on parle de nouveaux podcasts, notre rubrique Blog de Science en audio fait elle aussi l'objet d'un nouveau podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. On met les liens dans les notes de l'émission. Longue vie à tous ces podcasts. Et sinon, bah, plus grand chose à dire, si ce n'est voter pour nous. Donc, toujours, si vous y arrivez au European Podcast Award. Et puis, surtout, surtout au Golden Blog Award. Il faut. Oui? Sachant que Golden Blog Award, à chaque fois que vous changez de réseau Wi-Fi, vous pouvez revoter pour nous. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une fois par 24 heures et par adresse IP. Donc, il faut voter le matin avant de partir de la maison. Il faut voter en 3G dans la rue. Il faut voter depuis le boulot. Le il faut voilà, il faut aller, il faut s'abreuver de café dans tous les cybercafés pour pouvoir voter. Mais il faut mettre une adresse mail. Il repère pas. Non. C'est juste du vote. Comme il dirait dans un autre podcast, commencer à préparer les bots pour faire gagner. Tu crois? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ce que fait Pierre Kerner qui triche pour les votes, non, c'est ça? Ou c'est une mauvaise rumeur à répondre? Oui, tout à fait, oui. Là, c'est petit, va nous en vouloir. Non, c'est une mauvaise rumeur, c'est pas vrai. Ouais. Et puis quand même, attends, soyons bons joueurs. Une fois que vous avez voté 10 fois pour Podcast Science, vous avez le droit de voter une fois pour SAFT. Et par contre, vous pouvez voter 10 fois aussi pour Strip Science. Ah, mais toi, tu bouffes à tous les râteliers, ça. Ok, et puis bah, encore deux, trois petites choses, le petit rituel en fin d'émission. David, tu t'y colles ? Oui, je suis habité maintenant. Surtout, n'oubliez pas de noter ce podcast. Dans iTunes, laissez une petite note et un petit commentaire sur notre site internet, donc podcastscience.fm, où vous trouverez un petit plugin pour mettre des notes au dossier qui vous ont plu ou pas, ce qui est un input sympathique pour nous. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, @podcastscience, ou sur Facebook, podcastscience, et partager nos dossiers sur votre réseau social préféré. Ça nous aide à nous faire connaître au plus grand nombre et ça permet de répandre la science autour de vous. Alors, pour rappel, iTunes Store, recherche Podcast Science, Twitter, @Podcast Science, comme je l'ai dit tout à l'heure, Facebook, Podcast Science, pareil, et il y a aussi un compte Google+. Devinez quel est le nom du compte. Podcast Science. Au hasard. Yes. N'oubliez pas, on l'a déjà dit, les Golden Blog Awards, les European Podcast Awards, et réservez bien la date du 25 octobre 2012 si vous êtes à Paris. Passez-nous voir pour notre event IRL à l'Espace des Sciences. Bah ouais, la soirée se précise d'ailleurs. Début de soirée IRL à 19h, début de l'émission à 19h30 pour environ une heure. Il y aura du dessin en live avec Strip Science, il y aura plein de choses, ça va être très sympa. Absolument. On a un titre pour la soirée. On a un titre. Nico ? C'est Nico qui l'a fait. Je te laisse le dire, tu le dis mieux que moi. Tu t'es vu quand t'as fait de la science. Voilà. Donc on aura bien sûr une affiche par Nico. Et puis bah, l'idée, ça va être de compiler des mini-dossiers à plusieurs voix sur la thématique des sciences de l'apéro. Pierre Kerner, on sera réconcilié d'ici là, quand on aura gagné au Golden Blog Awards. Il faudra évidemment qu'il s'incline et puis tout ira mieux. Il sera de la partie, il va sans doute présenter des choses aussi. Du coup, on risque bien de parler du comportement sexuel des mouches mâles quand ils ont bu un verre de trop. Alors, c'est le problème à inviter Pierre à une soirée. Oui, c'est comme ça. Et puis on vous en dira bien sûr davantage au fur et à mesure que tout ça se précise. Mais voilà, ce qui est important encore une fois à ce stade, c'est de bloquer la date. Donc prenez congé, tuez votre patron s'il faut. On veut vous voir, on doit faire connaissance, c'est impératif. Le jeudi 25 octobre à 19h à l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes à Paris. Et cette fois, je crois qu'on a fait le tour. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec David pour parler de Lysenko. Le jeudi 4 octobre à 20h30. Et puis d'ici là, ben, excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Salut. Salut.